be a good reason that you're gone. Every now and then I think you might want me to come show up at your door, but I'm just too afraid that I'll be wrong. Bienvenue, si vous venez de débarquer, c'est Mickaël, on est sur LRG et WF a de la chance, j'ai oublié la vengeance. Ouais, c'est vrai que j'allais dire, ouais, t'as oublié la vengeance. Mais ça viendra. On a le droit de faire de la croustillette dans le studio. Fais ce que tu veux dans le studio. Voilà. Ah, les vacances. On les attend toute l'année. Les vacances en amoureux ou avec les potos. On est enfin prêts. On va se mettre bien. Du bonheur. Du repos, le soleil, la plage. Les apéros, les jolies filles. Le bronzage, les mojitos, les bikinis. Ah, ne rien faire pendant des heures. Les visites, les photos, les barbecues. Eh ouais. C'est ça les vacances. Le paradis. Mais il y a aussi les moustiques. Les juilletistes et les saoussiens. C'est aussi les coups de soleil. Trop de chaleur. La sueur, la pollution. Et les bouchons. Et les moustiques. Le sable qui colle sur le corps. Trop de touristes. Les soirées ratées. On a mal aux pieds, on est fatigué. Les bagages perdus, les retards d'avion. Et les moustiques. Toujours ces putains de moustiques. Parfois les vacances c'est l'enfer. Rassurez-vous. Tous les soirs dès 20h, c'est Mickaël. Sur Énergie. Allez, on est de retour. Il n'en reste plus que 4. Ouais, c'est ça, 4 émissions. 4 émissions avant le retour et avant la rentrée surtout, hein, parce qu'on fait notre rentrée la semaine prochaine. Retour de Koé, de Guillaume, et puis nous, on sera là aussi la nuit. Hein. Retour à notre place, ça va être cool. Au fin fond de la nuit. Ouais, mais vous allez voir, ça va être différent. Pour ceux qui nous ont découvert, justement, on est là toutes les nuits pendant l'année, hein, justement après Guillaume. Donc voilà, si vous voulez nous rejoindre, vous êtes évidemment les bienvenus dès lundi. En attendant, ben, on est encore là pour se marrer, 20h minuit pendant tout le reste de cette semaine. Sauf vendredi, sera 20h-22h. N'oubliez pas la console Xbox One S à gagner sur le Facebook de l'émission. Méfiez-vous des faux comptes. Hein. Je ne vous demande. Oui, non, mais je préfère préciser parce qu'il y en a plein qui font des faux comptes et qui demandent pour jouer de faire des numéros au téléphone 08 99 des trucs super chers. Même si vous dites que c'est gratuit, c'est des faux comptes. Voilà, comme ça, je vous demanderai jamais de faire un numéro de téléphone pour gagner. Donc, no stress. Si vous êtes victime de ça, et ben surtout n'allez pas plus loin. Comme ça, vous êtes tranquille. Les choses sont dites en tout cas. Bon, Amina va bien. Amina va toujours très très bien. Et ben tant mieux. Voilà, Amina qui survit à sa deuxième semaine là. Difficile. Mais ça va. Ah ouais, c'est l'odeur de toi, c'est la laine. Ouais, ouais, enfin, les effluves corporelles. Ah, ouais. Tant qu'il m'a payé à bouffer. Bon, non pas qu'il voulait, mais je me suis barré sans payer, donc du coup. Non, mais ça, ouais. J'ai pas eu le choix. Ah, attends, toutes les fois où il l'a fait, je me suis dit, attends, je peux le faire une fois. Non, mais c'est vrai, c'est il vrai. Il a payé pour tout le monde, là, je pense. Non, si, si, si. Non, c'est vrai. Oh là là. Il y a qu'Alès qui lui a glissé un billet de 10 euros. Gentleman. Bon, Alès qui est au standard, hein, c'est Seba, dit l'espagnol, dit Alès. Il est à l'aise. Tu as passé une bonne journée? Alès. Eh ben, écoute, j'ai envie de te dire, tant mieux. Non, en vrai, j'ai vu plein de messages, plein de tweets sur Twitter, plein de hashtags avec marqué à l'aise. Okay, vous pouvez, ce que je vous propose, c'est tweeter un maximum de fois à l'aise, juste pour qu'il arrive en top 8 et que les gens se disent qu'est-ce que c'est que ce truc. Ah ouais. À l'aise de quoi? Bah, à l'aise de rien. À l'aise. Il est juste à l'aise, voilà. Donc à l'aise, hein, A-L-A-I-S-E, voilà, vous mettez tout ça en un mot avec le hashtag à l'aise. Bon, on va commencer. Attends, vous savez quoi? Je vais en mettre un directement. Je vais mettre, voilà, ce soir dans Mickaël sur Énergie. On est à l'aise. Voilà, ouais, voilà. On est bien, bien à l'aise. On est tranquille, la pépère, voilà. Là, on est là. Hashtag, attends. Avec les copains. Hashtag à l'aise. À l'aise. On est à l'aise. Voilà. Et ben voilà, nickel. Et ben voilà. Tac, voilà. Et ben je tag Amina. Je tag tout le monde, voilà, comme ça au moins vous trouverez tout le monde, justement, si vous voulez trouver. Si vous les cherchez, pardon, hop là, voilà, c'est fait. Amina, Toff, je tag à l'aise aussi, bien entendu, Polo et tout le monde. Voilà, vous tapez sur Twitter, hein, vous tapez M-I-K-L officiel et vous verrez ça, voilà, tac, ça y est, c'est fait, voilà, on attend vos messages, évidemment. Donc, Toff qui va bien aussi, il a payé sa bouffe, là, ça y est, c'est fait, on ne pourra plus parler pendant un bout de temps. Et Polo qui a passé une bonne journée? Oui, tranquille, bon. Je me suis un peu affalé, je pouvais plus, la chaleur m'a tué. Ah ouais, putain, chaleur, ouais. Demain c'est encore pire, hein. Donc si vous avez des problèmes mais aussi des solutions pour être un peu au frais sans avoir la clim, venez nous faites profiter, faites tourner les solutions. 01 40 71 5000. Voilà, vous appelez, il y a Seba qui est au standard. Et venez nous raconter aussi comment vous avez fait pour arrêter de fumer. Parce qu'en Suisse, j'ai vu ça, ils sont payés les gens en fait pour arrêter et le résultat est incroyable. Il y a 50% de réussite en plus chez ceux qui ont reçu de l'argent pour arrêter de fumer. Donc les gens ne le font pas pour leur propre santé, ils le font pour l'oseille. Mais oui. Incroyable. Ouais, évidemment, dans cette équipe, c'est compliqué parce que personne fume, sauf une personne. Ouais, mais on dira pas qui. Voilà. Puis-je citer son nom ou pas? Ça commence par T et ça finit par OPH. Non mais voilà, donc après, c'est compliqué. C'est compliqué. Qui a déjà essayé au moins? Moi. T'as déjà essayé? Ah, j'ai fumé le cigare, moi. Non. Si, mais quand je... En fait, elle est... Tout ça pour se sentir... Le cubain. El cubano. El cubano. El cubano. Ah, el cubano. Non, parce qu'il y a une époque, je le fais moi maintenant, mais en fait, j'aimais bien quand j'étais en vacances. Tu sais, j'aimais bien avoir un cigare comme ça. Mais tu sais, ça se fume pas vraiment un cigare. Ça se rapote. Ouais, voilà. Pour le style. Ouais, exactement. Pour le style, ouais. Et ça puait tellement que j'ai arrêté. Vous laisse la raconter. Mais ça pue la mort, mais c'est horrible. Je déteste. Moi, j'ai jamais fumé de ma vie. J'ai même jamais essayé. C'est un truc qui ne m'intéresse absolument j'ai pas. Tout. J'ai essayé tout. Sauf qu'il a fumé, mais il a arrêté pour l'argent, lui. Il faisait la pipe. Il est pipe. Il aimait la pipe. Oui, c'est ça. Avec le tabac et tout. Bah oui, forcément, oui. Bah oui. Bon, bah dites nous si vous avez des solutions pour arrêter. Est-ce que vous le feriez plutôt pour l'argent ou plutôt pour votre propre santé? 01 40 71 5000. Donc venez nous dire si vous avez des petites techniques comme ça. Il y a Ju qui dit aussi c'est parti en direct avec Mickaël. Salut à toi Juju. Jeune Françoise, bonsoir les copains, salut Toff. Alors prêt pour la soirée avec le hashtag à l'aise? Bah, bien sûr, hein. Amandine qui nous salue, salut à toi Amandine. Alexandre, c'est parti, hashtag à l'aise avec la canicule, mort de rire, 20h minuit. Eh bah oui, on est là, il y a Jonathan qu'on a eu hier soir également dans l'émission de Château Renaud. Salut Jonathan. Salut. Est-ce que tu fumes Jonathan? Oui. Est-ce que tu serais prêt à arrêter? Bah oui, contre de l'argent, oui. Ah, et pour ta santé, non? Non, bah non. Ma santé, non. Ah, attends, à la foutre, en fait, donc 50 balles, ça vaut plus que ta santé, quoi. Bah pourquoi pas. Non, mais en Suisse, en plus, c'était genre 1500 balles. Hein, ah oui, quand même. Ah ouais, non, c'était 1500 francs suisses, donc je sais pas combien ça doit faire, 1300 euros, un truc comme ça. Oui, quelque chose comme ça, je pense, ouais. Ah oui, quand même, putain, 1500 euros. Mais c'est beaucoup. Oui, mais d'accord. En fait, le truc, c'est qu'ils s'en sont rendus compte, mais ils ont raison. Hein. C'est-à-dire que ça coûte tellement plus cher de soigner tous les malades, les cancéreux, ouais. des poumons, de la gorge et toute la merde avec la clope, qu'en fait, ils préfèrent donner 1500 balles aux gens pour qu'ils ne soient pas malades, en tout cas qu'ils aient moins de chances de l'être, et ça leur fait des économies au niveau de la sécu. Mais c'est pas plus con. Hein. Mais c'est pas bête, ouais. Bien sûr que c'est pas bête. Et donc du coup Jonathan, donc toi tu t'arrêterais que pour l'argent? Ça c'est incroyable. Ça aussi je comprends pas. Après je fume pas, mais je comprends pas les gens qui disent ouais mais j'arrêterai quand j'ai envie de, quand j'aurai décidé. Là j'ai pas envie. Ouais. Ah bon, bah alors, après plus si tard. T'as pas envie, alors qu'est-ce que je te dise, bah t'arrêtes pas alors, hein, tant pis. Hein. Bon Jonathan, tu nous avais appelé hier parce que t'as eu une grosse dispute avec ta copine. On a fait un débat pendant 2 heures où au final beaucoup de gens disaient lâche l'affaire. T'as écouté tout le monde puisque t'as décidé quand même de tenter ta chance. Bah, je rappelle que le meilleur conseil était quand même celui de Jackie. Ah non. Un très mauvais conseil qu'on ne rappellera pas à ce soir-ci car il est trop tôt. Et donc je disais que tu voulais l'appeler, donc on a voulu le faire hier soir, mais du coup il était 23h. encore ta copine, enfin ton ex future copine, je sais pas comment on l'appelle, n'a pas décroché. On a essayé plusieurs fois, ça n'a pas fonctionné. Soit elle écoutait l'émission, elle voulait pas passer à l'antenne et donc du coup bah voilà, elle nous a mis des vents exprès. Soit elle dormait peut-être déjà. Du coup Jonathan, je t'avais dit bah demain on démarre l'émission à 20h. Et ouais, on démarrera avec elle, enfin avec toi en l'occurrence. Comme ça, à 20h, elle dormira pas. Donc Jonathan, on va réessayer, on va appeler dans un instant. Rassure-moi, t'as pas changé d'avis? Ou au contraire Non, j'ai pas changé d'avis, non. Ah d'accord, ok. Toujours aussi déterminé. Eh ben toujours aussi déterminé, très bien. Et on avait mis, on aura Michel aussi, qui lui aussi, par rapport à Inex, a fait des trucs. On va en parler. Michel, reste avec nous. Jonathan, reste avec nous. Il y a Paul qui dit perso, je suis à l'aise en vous écoutant. Eh ben écoute, tant mieux, Paul. Tant mieux. J'espère que vous êtes tous à l'aise. Mettez bien le hashtag à l'aise sur le Twitter si vous jamais, si jamais vous le tweetez. Il y a Jessica qui dit salut, je voulais dire que je vous kiffe. C'est gentil, Jess. Et Brice qui dit à l'aise, on est. Attends, à l'aise, pardon, on est pas. On est à l'aise. Eh ben tant mieux, on embrasse tout le monde à l'aise. Il y a Neil qui dit salut tout le monde, content de vous retrouver. Comment allez-vous? On va plutôt pas mal en plus ce soir. Il y a le son de Martin Garrix que je vais vous mettre. Il y aura Alvaro Soler. Ça, avec ça, on est à l'aise. Tranquille. Ah bah ouais, attends. Ouais, ça va là. Il y aura Sopra. Et mon son préféré, 21 Pilots. Là, avec ça, t'es en Californie. Ouais. Voiture cabriolet sur les grandes routes, là, ouais, les grandes routes américaines, et t'es à l'aise. Et ça te donne envie aussi de, tu vois, de taper la gueule au taf, bien sûr. Grave. Tu prends une bouteille de d'eau, là, une bouteille de Contrex, là, comme Apollo, et bam, tu la mets sur la gueule au taf. Gratuit. Bah, bien sûr. Trop d'amour, les gars, trop d'amour. Bah, évidemment, bah, forcément, ouais. Bon, et tous vos messages, hein, hashtag MIKL, n'oubliez pas, et venez nous rejoindre sur Facebook, Twitter, Instagram, vous mettez MIKL officiel. Bon, on va démarrer avec le son de Zao et MHD maintenant sur Énergie. Passez une bonne soirée. On est là, 20h minuit. On profite, c'est la dernière de la semaine avant le retour et avant la rentrée. Il ou elle a dit les nouvelles ne sont pas bonnes. Je ne le dirai qu'à toi, ne le dis à personne. Il ou elle a fait, je crois qu'il y a eu mal donne. Ça m'étonnerait vraiment que quelqu'un lui pardonne. J'entends des bruits de couloir au loin qui résonnent. Que ce soit vrai ou faux, tout le monde en fait des tonnes. Si l'ami de tout le monde est l'ami de personne, laissez-moi dans mon coin, ici l'ambiance est bonne. Non, tu n'as pas idée, c'est chaud. Pourquoi verbaliser, c'est chaud. L'ambiance est validée, c'est chaud. Le terrain balisé, c'est chaud. Laisse-les parler, demain on aura sa paix. Qu'est-ce que tu me parles de ma vie, tu sais nada. T'es de ces personnes qui m'y tonnent grave. C'est vrai que t'es gentil mais t'es pas fiable. Encore plus faux que le mec qui n'a pas de défaut. Un tel et un tel sont ensemble mais c'est vrai. C'est le mytho du coin qui raconte ça. Il a gagné au loto et zappé la mif. Quand le bonheur s'approche les jaloux pas. Tu l'as quitté d'après ce que tu racontes. Elle t'a quitté d'après ce qu'elle raconte. Chacun sa raison, tout le monde parle mais chacun sa version. Laisse-les croire, laisse-les jacter. T'es dans l'hypocrisie, on gravit les paliers. Éloigne-moi des soucis, je suis fatigué. J'ai pas leur temps, je m'en jaillis. Non, tu n'as pas idée, c'est chaud. Pourquoi verbaliser, c'est chaud. L'ambiance est validée, c'est chaud. Le terrain balisé, c'est chaud. Laisse-les parler, demain on aura sa paix. Laissez-les coumas, laissez-les parler. Laissez-les coumas, laissez-les coumas. Laissez-les parler. J'ai les oreilles qui s'y On est sur Énergie, passez une bonne soirée. Il y a Alvaro Soler dans quelques minutes. Je l'avais promis, ça va arriver. Et puis on passe l'été tous ensemble, 20h minuit. Et peut-être que Koé, j'ai vu le tweet passer tout à l'heure, passera nous voir jeudi. Alors je lui dis ok s'il vient sans le poulpe. De 20h à minuit. Mickaël. Et sur Énergie. Voilà, les qui vont me dire c'est quoi cette histoire de poulpe. Oui. Bah allez voir la vidéo déjà sur la chaîne YouTube de Koé. C'était l'année dernière quand on était en battle. C'était quand encore? C'était en avril je crois. En février? Bon je sais plus. Et donc il y avait eu une petite guéguerre entre l'équipe de Koé et la nôtre. Et donc du coup on s'était fait des sales coups, façon de parler, chacun notre tour. Et il a eu le dernier mot, j'ai dit qu'il y aurait vengeance. C'est un plat qui se mange froid, je n'ai pas dit quand ce serait, ça peut être courant de l'année, ça peut être jeudi. Non, pas jeudi. Non. Revenons à des choses gentilles, voilà. Sûr, s'il revient, voilà, soyons gentils. Ben sauf oui. S'il revient avec le poulpe. Alors toujours là. Dans le respect, toujours. Alors là. Et donc, du coup, voilà, on avait fait un battle. Il était venu avec toute l'équipe. Il avait ravagé le studio. La vidéo est toujours dispo, bien sûr, sur le Facebook de l'émission MIKL officiel ou sur la chaîne YouTube de Koé. Et avec un poulpe, donc, que j'ai eu sur la tête. Je sentais le poisson, c'était sympa. Ah, quelle horreur. Ça sentait la moule. Non, top à l'habitude, tu me diras. Ah, j'adore. C'est mon odeur préférée. Et les paillettes, mais pendant deux mois. J'en ai encore chez moi, des paillettes. Je te jure, ouais. Il y avait des espèces de mini paillettes de merde partout, là. Ouais. Mec, il y en a encore. Mais c'est un poison ça. Ah, c'est une horreur. Mec, les paillettes, et ça ne part jamais. Deux mois après, en fait, tu changeais de caleçon. Mais t'avais des paillettes dans le fion. C'est bien, c'est festif. Ah ouais, c'est festif, ouais. Il y a le Juventilo qui est en train de geeker à GTA et en train d'écouter. Bah, salut le Juventilo. Stacy qui dit on est à l'aise au cinéma. Et profitez bien. Alexandre qui dit faut un coup de pelle à top, ça rafraîchira peut-être un petit peu avec cette canicule. Hop là, ça y est, c'est fait. Et alors Serge qui dit moi pour la clope, j'ai pas vraiment arrêté, je suis passé à la cigarette électronique. Alors, il paraît que c'est mieux, mais en même temps, on sait pas trop ce qu'il y a dedans. Donc, on verra les ravages plus tard, si ravage il y a, bien entendu. On va récupérer Jonathan. Bon, Jonathan, t'es toujours là. On va donc appeler ta copine maintenant, ton ex-future copine. Hein. Bon, on verra tu bien. Tu peux encore reculer, Jonathan. Tu peux changer d'avis. Hein. Ah non, mais j'ai pas envie de changer d'avis. Bon, j'ai envie de tout tenter. Que t'as dit Jackie hier? Ben, on va pas le rappeler parce que tu comme il était trop tôt il y a 5 minutes, il est toujours trop tôt en fait maintenant. Oui. Pardon, excusez-moi. Et donc, Jonathan, donc juste pour rappel, donc, vous êtes engueulé avec ta copine pour des conneries, hein, comme la plupart des disputes d'ailleurs. Et en fait, vous allez être arrivé aux mains où vous êtes mutuellement frappé l'un sur l'autre. Exactement. On est d'accord. Ah, et donc là, c'est fini. Oui, il a cassé la porte de chez elle aussi. Donc là, c'est fini et tu veux quand même l'appeler pour essayer de la récupérer. Même si j'avais dit que, bah, à partir du moment où on arrive. Non, mon gars. Oh là là, mais quel monde. Où on en arrive là, c'est plus la peine, évidemment. Bon, Jonathan, on y va, on appelle? Oui. Allez, on y va. Et garde cette pêche, Jonathan. Ah, ouais, comme ça. Parce que là, t'es au taquet. Ah, ouais, parce que là. Là, je suis sûr, elle décroche et elle te dit je t'aime. Ouais. Ah, bah oui, là, c'est. T'es à l'aise, hein. Ouais. Bon, allez. Je pense qu'elle est à l'aise aussi avec un autre mec. Je pense. C'est pour ça qu'elle décroche depuis hier. Mais elle est à l'aise. Hein. Tout est à l'aise. Allô? Non. Ils ne nous entendent pas là. Allô? Oui, Alexandra. Ah, putain, oui. Il est à l'aise. Bip, c'est Jonathan. Bip. C'est bien de passer à la radio? Oh merde. Ah ouais. Bah écoute, super. Hein. Ouais, je vois ça. Oh, bah, c'est rien, Alex. Je t'appelle pour te dire que je suis désolé. Ouais. Même si je te l'ai déjà dit, que je t'aime à la folie. Et le ouais qui est. Et je tiens à m'excuser, à réparer les dégâts et encore joyeux anniversaire qui est passé depuis 3 jours. Même d'accord, si mais tu sais que tout ça, je m'en bats les couilles parce que me harceler sur 70 appels en une soirée, 23 notifications en une journée continuer à me casser les couilles après pour que tes potes m'envoient des messages, je pense que là, si c'est pas du harcèlement, je comprends pas ce que c'est. Je vais aller mettre un vaccin anti gros banan, mais je vais m'abstenir. C'est une preuve d'amour de quoi? Je crois que je t'ai pas dit de me laisser tranquille. Elle est vénère, elle est vénère. Mais il est lourd, il nous a pas dit ça. Oui, bah oui. J'ai pas demandé de me laisser tranquille. Ah, puis là, chien. Suis, moi je te suis. Ah, il avait raison, Jacques. Attends, je vais m'occuper de là. Mais tu nous avais pas dit ça, Jonathan, là. Tu l'avais appelé 100 000 fois. Salut Alexandra. Salut. Bon, c'est Mickaël, t'es effectivement sur Énergie, il nous avait appelé, on lui avait dit que c'était de lâcher l'affaire, mais il voulait absolument tenter le coup. Bon, bah voilà. Après, ouais, je savais pas, Jonathan, que tu l'avais appelé 107 fois. Hein. 70 fois une soirée, et 23 notifications une journée. Bon, il y a 3 fois, c'est nous hier. 3 fois, c'est nous hier. Ouais, oui. Je sais, j'ai écouté la rediffusion ce matin. Ah d'accord, ok. Bon, bravo, à l'aise. Il a mis le podcast à fond sur énergie.fr. Bravo. Ouais, mais pour une fois, il aurait dû. Alexandra, parce qu'on a eu que sa version. Si jamais t'es d'accord, c'est quoi exactement ce qui s'est passé là? Pourquoi tu t'es vénère contre lui? Bah prise de tête, parce que simplement j'avais envie de passer une soirée avec mes potes, simplement. Bah voilà. Donc j'ai insisté, mais je ne voulais pas parce que soi-disant mon pote c'était l'ennemi de son ennemi. Donc, Mais ça tu nous as pas dit non plus, Jonathan. Chien de la case, va. Voilà. Non, j'ai pas détaillé. Monsieur était invité et puis monsieur n'a pas voulu venir. Ah, d'accord. Ça change tout. Bon, est-ce que ça valait la peine de casser une porte et de vous mettre sur la gueule? Ne pense pas non plus. Alors, non, mais en plus, il a défoncé ma porte alors que j'ai dit que je rentrais dans la soirée. Enfin, dans la nuit. Ah, en plus? Bon, écoute, oui, bah, à me laisser dans la rue, je suis désolé. Mais t'étais bon, pas à la rue, pauvre con, t'étais devant chez moi. T'étais dans le hall de chez moi. Ouais, tu crois que j'allais dormir dans le hall? Eh bah oui. Je m'en bats les couilles, t'avais qu'à dégager, je t'avais dit de partir. Je t'avais dit d'appeler tes parents, j'ai au même, et je t'ai même proposé de te raccompagner chez toi. C'est génial. Alors que tu viens me casser les couilles. T'avais besoin même de passer à la radio pour me prouver que tu m'aimes, mais qu'est-ce que je m'en bats les couilles? Simplement, je t'ai dit que c'était fini entre nous. C'était fini entre nous. Tu as pas insisté non plus. Bah oui. Voilà. Mais ce que tu leur dis pas à la radio, à tout ça, c'est qu'à cause de toi, j'ai une semaine d'arrêt encore maintenant. Pour stress post-traumatique, tu leur dis ça? Ah, on savait pas non plus. Là, bon, là, de toute façon, bon, après, on n'est pas. Voilà, bizarrement, tu leur dis pas tout. Donc maintenant, simplement, je veux que t'arrêtes de me casser les couilles. Que t'arrêtes de m'appeler. Que t'arrêtes de faire des petites notifications sur Facebook. Parce que oui, ça commence vraiment à me casser les couilles, ok? Voilà, je pense que c'est clair, Jonathan. Hein. C'est bon, t'as compris ou tu veux que j'aille encore plus loin là? Non, c'est bon. Merci. Non, je crois que ça ira. Je crois que ça ira. Bon, merci Alex. Hein. Mais de rien. Bah écoute, t'as vu avec moi les gentils, cool, ça fait plaisir. Bon, Alex, combien tu mesures? Oh, t'as une gueule, toi. Je vous écoute tout le temps. Ah, en plus, oh bah voilà, bah très bien, parfait. Bon, bah écoute, Alexandra, bah du coup, gros bisous alors, bonne vacances, bonne fin de vacances. Hein. Et ouais, Jonathan. Bon, vacances arrêt plutôt. Ouais, bon, bah écoute, profite de la chaleur. Bah. Bon, gros bisous, Alex. Merci, bonne soirée, bisous. Ciao à toi, Alex, ciao. Bon, Jonathan, reste à deux secondes. Il y a Mel, il y a Michel, il y a Jackie dans un instant. Oh non, pas Jackie. Je pense que là, Jackie doit réagir. Jackie le routier d'hier soir. Oh là là. Jackie, tu peux pas laisser les choses comme ça. Bon, restez là, on s'écoute Martin Garrix et on va revenir juste après. Dieu sait que ça va encore être rock'n'roll. Mais quoi qu'il en soit, n'oubliez pas, on est à l'aise. If I told you this was only gonna hurt, if I warned you that the fire's gonna burn, would you walk in? Would you let me do it first? Do it all in the name of love. Would you let me lead you even when you're blind? In the darkness, in the middle of the night, in the silence, when there's no one by your side, would you call in the name of love? Trust me when you're jumping from the heights. Would you fall in the name of love? When there's madness, when there's poison in your head, when the sadness leaves you broken in your bed, I will hold you in the depths of your despair. But it's all

soit l'horaire, on changera pas. Énergie. Mickaël est sur Énergie. De 20h à minuit. Bon, alors, on est effectivement de retour. Là, Jeanne-Françoise qui dit, parce qu'on vient d'avoir Jonathan, on l'a eu hier. Là, il y a eu une grosse dispute avec sa copine, il voulait la reconquérir. Elle a décroché, là, Alexandra. Et bon, c'est plutôt mal barré. Enfin, c'est mort, hein, c'est plié l'affaire, là. Jeanne-Françoise qui dit, Jonathan, fais-lui un poème que tu conclus par Best est mort. Elle va craquer. Demande à Anthony de Charleroi. Ouais, alors, bon, il faut expliquer. On l'a eu un. C'est Anthony de Charleroi. Ouais. C'est pas tant qu'on l'a plus, d'ailleurs, Anthony de Charleroi. C'est vrai. Et donc, il voulait savoir comment casser avec sa copine. Et donc, on lui avait dit, ouais, on avait fait tout un test avant pour montrer comment il fallait faire tout ça, et voilà, on l'avait préparé avec la voix du parrain. Il devait faire la voix du parrain en terminant par Best est mort, voilà. Et on avait laissé 150 messages sur son répondeur à la meuf. Bon, voilà, on s'est fait marrer, quoi. Voilà, voilà. Mais non, mais parce qu'il fallait que ça coupe, tu vois, donc le seul moyen c'était Best est mort, voilà, et il fallait y arriver, quoi. Bon, voilà. Bref, Jonathan, l'avantage c'est que t'as un point d'avance sur Anthony de Charleroi, c'est que bah toi c'est ça s'est fait, hein. Ah ouais, voilà, ça, c'est ouais. Pas toi qui dois casser, hein, c'était même plutôt l'inverse, mais bon. Et on a Jackie qui est avec nous, le retour de Jackie le routier. Jackie, on t'a pris hier, il était 22h. On a déjà dit de peser tes mots. À 20h30, tu imagines bien que c'est encore pire. C'est comme ça que tu m'annonces sur l'antenne, toi. Bah oui, écoute. Le médiateur et tout le bordel, moi. Alors que c'est le médiateur. Alors, c'est le Jackie le grand frère. La résolution de conflit. Jackie le grand frère. Alors, qu'est-ce que j'avais dit? Ah bah ouais, Jackie, je l'ai pas dit au début. Avant qu'ils appellent. Il est où? Il est là. Il est là, Jonathan. Ouais. Doucement, doucement. Il est déjà à terre. Ouais. Ah, t'inquiète pas, Amina, t'inquiète. Et maintenant, c'est bon, on a le trio sur Énergie, là. Coco de Paris, Eric de Monfion et Jonathan de Château-Renaud. C'est bon, t'es rentré dans la bande, mon gars. Alors, qu'est-ce que je t'avais dit, Jonathan? Tu veux pas écouter les conseils à tonton Jackie? Voilà. Et ben voilà, maintenant. Tonton Jackie, ouais. Hein? Et ben maintenant, tu l'as bien au fond. Il n'a plus de crédibilité. Et maintenant, il est plus crédible devant personne. Je lui avais dit de rester comme un bonhomme, de porter ses coups. C'est testicules. Jackie, c'est bon, couille, tu peux dire. Voilà, maintenant t'es plus crédible ni devant tes potes. Ah, je peux y aller, Mickaël? Vas-y. Non, on se comprend. Hein. Voilà. Couille, tu non, peux mais dire. C'est bon. Détends-toi, je sais très bien que t'as le doigt là pour me couper le micro là au cas où ça pas du tout. Alors là, c'est bien. Non, on a un bip. J'explique, mon gars, ça va bien se passer. T'inquiète pas. On a un bip à l'américaine. Voilà, c'est ça. Bip. Alors, Jonathan, qu'est-ce que t'as à répondre à... Qu'est-ce que t'as à dire, là? On t'écoute. Qu'est-ce que t'as à dire à tonton Jackie? Bah, voilà. Ouais, tonton Jackie avait raison. Et bah voilà. Ah là, mon gars, ça marche pas, la gentillesse, avec ces salopes, mon gars. Non, voilà, Jackie, tu vois, voilà. Et ben voilà, ça y est, ça y est, il a fallu biper, j'ai fait confiance, j'ai enlevé le bip, et ben j'aurais pas dû. Ouais, on a les chiennes de garde au téléphone pour toi, Jackie. En plus, elle avait l'air gentille, hein, pour le coup, Jonathan, c'est toi qui as fait de la merde, hein, cela dit au passage. Non, elle avait l'air cool. J'aurais bien fait un tour du propriétaire, mais on m'a dit que non. Non, on écoute, bon, elle était en plein récure. Qu'est-ce qu'il en pense, plus fort, mon gars. Bon, Jackie, qu'est-ce qu'il en pensait de cette discussion, Jackie? Toi, t'en as pensé quoi? Bah, franchement, j'étais tellement mort de rire que j'ai pas entendu, en fait. Et si Jonathan pouvait faire un petit résumé de la situation, ça serait sympa. Qu'est-ce qui s'est passé, Jonathan? Bah, en gros, on s'est disputé parce que, voilà, comme elle a non, dit... Non, mais ça, j'ai compris, ça. Mais je te parle de l'appel, là. Ah, c'est de quoi, l'appel, quoi, petit pas... résumé, bah, ouais. Du coup, elle m'a dit que c'était mort, quoi. Ah, merde. Ah, puis c'est pas comme si on te l'avait prévenu, en fait. C'est pas comme si. Ah bah, toi, tu as fini dans une cage avec un truc de 30 cm dans l'oignon, mon gars, tu peux commencer à te caresser. Ouais. Mais t'inquiète, on va te mettre en contact avec Coco de Paris. Ce soir dans le polo show, ça va bien se passer. Ouais. Il voudra mieux. Bon, bah, du coup. Non, franchement, je rigole, mais franchement, c'est super pour lui, hein, c'est dommage. Franchement. Mais oui, c'est dommage, mais bon, voilà, écoute. Ah ouais. De toute façon, qu'à m'écouter, il est plus crédible. Même tes potes, ils vont le tailler, mon gars. Là, t'en as pour au moins un an, là. T'es mort, mon gars. Minimum. Mais après, tu vois, parfois, il faut prendre des bons coups dans la gueule pour mieux se relever. Gartoff. Ça se voit qu'il a pris les coups quand tu vois sa gueule. C'est elle qui aurait dû les prendre. Oh non, Jackie. Bon, allez. À tout à l'heure dans le polo show, Jackie. Hein. À tout à l'heure, les gars. Allez ciao, papy Jackie. Bon, du coup, Jonathan, bah voilà, qu'est-ce que je te dise, moi. C'est plié l'affaire. Hein. Oui. Bon, ouais. Pas de regret. Pas de regret. Bon, allez, c'est le principal, très bien. Allez, Jonathan, passe une bonne soirée. Bah, si jamais vous êtes une fille, vous avez pitié, vous pouvez appeler. Merci à toute l'équipe d'Énergie. Bon, écoute, avec plaisir, nous sommes en service. Merci et à Jackie. Puis, petite dédicace à mes frères de cœur, Maxime, Gabriel, Damien et Medimed. T'as fait la totale, Jonathan. En général, dans ce genre de plan, tu fais profil bas, je fais pas les dédicaces à tout le monde pour pas qu'on te reconnaisse, quoi. Ils seront là pour me soutenir, même avec ce qui s'est dit à la radio. Donc, d'accord, bon, bah très bien. Et dédicace à Alex ou pas? Et puis, non, pas de dédicace à Alex. Ah, au d'accord. Alex. Bon, bah, au revoir, Alexandra, alors, hein, très bien. Bon, bah, salut à Jonathan, alors. Hein. Salut. Allez, ciao à toi, à bientôt. Bon, et ben voilà, et il faut toujours nous écouter. Toujours. Je ne dis pas qu'on a la science infuse. Si, on a la science infuse. Si, non, mais attends, en toute modestie, bien évidemment. Bien en toute humilité. Nous sommes une équipe humble. Très humble. Totalement humble. Voilà. Voilà. Donc, faut le savoir. Non, mais vraiment, quoi. Bon, il y a Alfred Trielba qui dit salut les amis, salut à toi, Alfred Trielba. Galaxy qui dit pour tous ceux qui veulent arrêter la clope, mettez-vous à la pipe, c'est naturel. Merci, Galaxy. Jennifer qui dit je suis super avec le hashtag à l'aise. Je vous écoute à fond pendant que ma famille est absente. Et alors, moi, en ce moment, j'arrête de fumer par amour pour ma chérie. C'est Pierre-Marie qui avait envoyé le message. Faut jamais arrêter de fumer pour quelqu'un. Faut le faire pour soi-même, parce que sinon, ça tient jamais, ça marche jamais. Jessica qui dit moi, je suis à l'aise. Eh ben, tant mieux, Jess. Et alors, mon chat vous écoute en bavant. Il adore Virginie du Sac-Neuf, c'est Adriana qui m'envoie le message. Oh bah Virginie Sac-Neuf, bien sûr, on l'a eu hier, je l'ai battu au jeu de la rupture. Va te faire enculer, gros bâtard. Elle a perdu 20 secondes, j'ai fait 47 secondes. Bon bah voilà, c'est ce qu'il fallait dire. Ce soir on fera un jeu du perroquet d'ailleurs, donc restez bien là. Mentez-leur, elles adorent qu'on leur mente. On va jouer aussi d'ici 20 minutes. Si vous voulez jouer avec nous, on va vous imposer 3 mensonges. Vous allez devoir les balancer justement à la personne que vous allez appeler, hein, copain, copine, papa, maman, bref, n'importe qui. Et puis bah le but c'est d'arriver à les lui faire croire et surtout à ce qu'il ou elle s'énerve. Voilà, si vous voulez jouer avec nous, il y a une GoPro à gagner. Vous appelez Seba alias Espagnol alias à l'aise au standard 01 40 71 5000. Mickaël dans un instant du 17. Salut Mickaël, Mirambeau, comment ça va? Ça va, ça va. Bon ben bienvenue Mickaël, on va parler de quoi dans un instant avec toi? Ben en fait c'est une situation un peu bizarre, hein. Donc c'est la première fois que je passe à la radio pour le faire. Bah ça arrive. Voilà, donc c'est une femme que j'ai connue à l'âge de 8 ans, qu'on s'est perdu de vue, on s'est revu l'année dernière. Donc il y a eu du rapprochement, elle est venue habiter à la maison parce qu'avec son ex et nouveau copain à l'heure actuelle, ça n'allait pas du tout. Donc il a fait vivre les pires trucs du monde. Hein. Et donc elle est venue, on s'était promis plein de choses, machin, patin, poufin, et il a fait briller les yeux en lui donnant Attends, tu vas rentrer en détail plus d'un. Mais qu'est-ce que tu veux faire en gros? Après on rentrera dans les détails après. C'est que moi je lui ai envoyé un message parce qu'une journée il s'est connecté avec son gars, s'est connecté avec son compte Facebook là. Ouais. Donc sur Messenger il m'a mis des trucs horribles, donc et j'ai mis un message violent, quoi, en lui disant tout ce qui s'était passé avec sa femme, quoi. Bon attends, j'ai rien compris, tu vas nous raconter ça dans un instant, Mickaël, je te reprends, bouge pas de là. On va se faire. Il y a Jeanne-Françoise qui dit t'as oublié de dire à tonton Jackie que tu étais un trou du cul qui l'a gonflé avec tous ses messages. C'est oui, vrai. C'est vrai, effectivement, il l'a fait, Jonathan. Bon, allez, on va se faire les premiers appels mal intentionnés avec Tof qui va se faire insulter. Je vais te niquer sur la vie de ma mère, je vais te niquer. Voilà, mais avec plaisir. Tuer, ben oui. Putain, j'ai envie de t'avoir en face de moi, de te coller mon 44 dans le cul. Complètement. Ah, niquer ta mère, fils de pute. Oui, voilà. Et donc, on va faire ça dans un instant, juste le temps d'écouter le son d'Alvaro Soler. On est là en direct, 20h37, on est sur c'est Mickaël avec Amina, avec Tof et avec Polo. Et à l'aise. Sigo viendo aquel momento se desvaneció, desapareció. Mira solo. sigo sin tu mirada, Sofía. Sofía, sin tu mirada, sigo sin tu mirada. Dime, Sofía, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Allez, bonne soirée, c'est Mickaël, on se fait les appels mal intentionnés, c'est parti. Pendant les vacances, on est là de 20h à minuit sur Énergie. Et sur Facebook, Twitter et Instagram, M-I-K-L, officiel. Oui, on est là, effectivement, venez nous rejoindre, Facebook, Twitter, Instagram. Le hashtag à l'aise fonctionne pas mal, hein, voilà. Il y a Alexandre qui dit, quelle est la meilleure solution pour ne pas déprimer à la rentrée? Être hashtag à l'aise, évidemment, t'as raison Alexandre. Vous n'hésitez pas à vous balancer hashtag à l'aise sur le Twitter de l'émission, juste pour que les autres se demandent ce que ça veut dire ce hashtag, justement. Et Jus qui dit aussi, vous êtes les meilleurs avec le hashtag à l'aise ce soir. C'est vrai, ça, on le sait. Gros bisous, oui, bah évidemment, en toute humilité, bien entendu, oui. Et en toute modestie, bien sûr, également. Voilà, donc vous venez nous rejoindre aussi, M-I-K-L officiel, Facebook, Twitter et sur Instagram. Et n'oubliez pas aussi la Xbox One S qui est à gagner sur la page Facebook de l'émission. On tire au sort jeudi l'un d'entre vous qui aura laissé un commentaire, comme d'hab. Et puis, bah, si vous êtes tiré au sort, allez gagner. Xbox One S, ça vaut quand même 400 balles, hein, le cadeau. Donc, à la cool, quoi. Donc, si vous voulez la gagner, vous nous rejoignez, M-I-K-L officiel. On se fait les appels mal intentionnés avec une information dramatique. C'est quoi? Non, attends, quand je dis dramatique, c'est. C'est dramatique, quoi. On n'a jamais aussi peu baisé qu'en ce moment. Non. Qu'est-ce qui se passe? C'est même depuis les années 20, le nombre de rapports sexuels n'a jamais été aussi faible. C'est une étude canadienne qui le dit. Ah oui, c'est. Ah ouais, c'est ouais. Dur, ça, quand même. Ouais, ouais. Donc, bah, du coup, Tof, tu vas voir depuis quand tes amis ont plus fait l'amour? Ah bah oui. Allez, grâce au numéro que vous envoyez sur le mail de Tof, c'est TOPH. Bah, je sais, ouais. TOPH@energie.com. Bah oui. Bah oui, vous envoyez le numéro de téléphone, bah et oui. Puis bah, du coup, j'appelle. Voilà, et quand ça foire, on a toujours le 118. 218 tout au YouTube. Exactement. Allez, c'est parti, on y va. On appelle tout de suite. Oui, allô? Oui. Oui, bonsoir monsieur. Je vous appelle parce que je voulais savoir à quand remontait votre dernier rapport sexuel, monsieur. Il a raccroché. Non, il a raccroché. Eh ben écoute, c'est très bien, ça commence bien, dis donc. Hein, hein? Ouais, oui, je suis. Ça c'est plutôt bien mis là, on pas rappelle. Mal, ouais. Ouais. Alors franchement, un des meilleurs appels. Ah oui. Ah ouais, si pas le meilleur. Oui, allô? Oui, je m'excuse, monsieur, on a été coupé. Oui? Oui, parce que vous m'avez pas dit alors de quand datait votre dernier rapport sexuel. Hier, avec ta mère. Oh non, dites pas ça, madame, ça se fait pas. Ok, bon, va te faire enculer, bâtard. Oh non, ça c'est encore pire, ça se dit encore moins. C'est madame ou c'est monsieur? Ouais, tu te fous de ma gueule, toi. Hein. Bah non, je me permettrai pas. Eh, hey, tu parles meilleur, hein. Bah moi je vous parle correctement, enfin qu'est-ce que je comprends pas. C'est sur quelle radio là? Mais c'est pas la radio madame, enfin pourquoi vous dites ça? Oui là sur une radio. Mais pas du tout. Tu me la fais pas à moi. Bah je veux pas vous la faire à vous, moi je veux juste savoir quand est-ce que vous avez votre dernier rapport sexuel. Mais en quoi ça te regarde ça? Bah c'est juste pour savoir. Ah ouais, et ça te regarde quand même ou pas? Bah oui, c'est pour ça que je vous appelle. Bah ouais mais non, ça te regarde pas. Bah si. Bah non. Bah si. Bah non, moi je t'ai dit non. Bah moi je vous dis que si, donc c'est pour ça que je vous appelle, donc c'est pour ça qu'il faut que vous me répondiez. Je t'ai déjà répondu, je crois. Bah non, vous m'avez répondu de la merde, moi je veux savoir la vérité. Je veux savoir la vérité. Bah oui. C'est vraiment de la vérité. Rien que la vérité. Dites la main droite et... Non, levez la main droite et dites je le jure. Ok, bah non alors. Bah non quoi? Eh, tu arrêtes, hein? Bah non, moi, si vous répondez pas, je vais être obligé de vous rappeler. Bah Ah bon? Ah bah oui. Et pourquoi tu me rappellerais? Bah pour avoir la réponse à ma question. Bah si je vais pas te donner la réponse à ta question. Bah je vais être obligé de vous rappeler. Et pourquoi tu me rappelles? Bah pour avoir la réponse à ma question. Si je vais pas te donner la réponse à ta question. Bah je vous rappelle. Et si je veux pas te répondre? Ah bah je vous rappelle. Mais pourquoi tu me rappelles? Bah pour avoir la réponse. Et si je veux pas te donner la réponse à ta question? Bah alors je vous rappelle. Et si je veux pas que tu me rappelles? Ah bah ça c'est pas possible hein, parce que moi j'ai besoin d'une réponse sinon Ah bon? Bah oui. Et en quel honneur? Bah parce que c'est comme ça, attendez, quelqu'un vous appelle, vous pose une question, la moindre des choses c'est de répondre. Et ta mère c'est quand la dernière fois qu'elle a ken? Ah ça je sais pas, faudrait que je lui demande. Et bah comment veux-tu que moi je sache? Bah parce que en fait moi je suis pas dans le lit de ma mère alors que vous vous êtes dans votre lit quand vous faites bah, l'amour. Non, je peux être dans le lit de ta mère aussi. Ça m'étonnerait. Ah bon? Oui. Bah tu lui demanderas. Bah je lui poserai la question. Vous voulez que je l'appelle et que je vous rappelle? Oui, je veux bien, oui. Bon, ben on fait comme ça. Alors, je vais l'appeler, je vous rappelle. Ça marche. Eh ben voilà, très bien. Pas un bon plan, ça. Ah bah parfait. On écoute Soprano, on l'appelle après? Bah allons-y. Comme ça, t'as eu le temps d'appeler ta mère? Bah oui. Eh bah très bien, on fait comme ça. Vous bougez pas là, on va récupérer Mickaël également et Jess. On va sortir le Mentez-leur, elles adorent qu'on leur mente. Il est 20h46 et Mickaël, on est en direct jusqu'à minuit. Bonne soirée. Monsieur, avant ma chute, j'étais vraiment riche et heureux. J'étais le plus grand conseiller des hommes, même en haut lieu. On faisait appel à mes services pour prendre malheureux. Monsieur, tout le monde signait avec moi en fermant les yeux. Sur terre, le péché est un business fructueux. Je faisais mon chiffre en vendant le désir et le feu. Oui, le malheur des uns fait le bonheur du plus véreux. J'offrais le pouvoir au portefeuille du plus généreux. Mais l'époque a changé. Les hommes font bien pire que moi. Le job s'habille plus en Prada. Le job s'habille plus en Prada. Les hommes lui ont fait les poches, lui ont pris sa femme et ses gosses. Il n'a plus d'emprise sur le globe depuis qu'on lui a pris son job. Non, le job s'habille plus en Prada. Monsieur, les hommes d'aujourd'hui ont dépassé tous mes vœux. Certains exercent leur folie meurtrière au nom de Dieu. Le pétrole est une raison légitime pour mettre le feu. Certains pays rétrécissent, mais bon, restons silencieux. Malgré sa richesse, l'Afrique a toujours un creux. La télé m'a volé l'éducation de leur morveux. Internet brûle les neurones beaucoup plus que la bœuf. L'enfer n'est plus chez moi, mais bel et bien chez vous, monsieur. Mais l'époque a changé. L'époque a changé. Les hommes n'ont plus besoin de moi. Oui, l'époque a changé. L'époque a changé. J'ai tout perdu depuis que les hommes font bien pire que moi. Le job s'habille plus en Prada. Le job s'habille plus en Prada. Le job s'habille plus en Prada. Le job s'habille plus en Prada. Les hommes lui ont fait des poches. Lui ont pris sa femme et ses forces. Il n'a plus d'emprise sur le globe depuis qu'on lui a pris son job. Oui, l'élève a dépassé son maître. Oui, l'élève a dépassé son maître. Oui. Font pire que Lucifer. est sur Énergie, bonne soirée tout le monde. 20h minuit. On s'installe tranquille. À l'aise. Sur Énergie. Et on devrait refaire le jingle. Hein. On s'installe à l'aise et pas tranquille. Ça veut rien dire. C'est ringard de dire tranquille. Bah oui. On s'installe tranquille. Non, on s'installe à l'aise. Évidemment. C'est ça le futur. Ouais, ouais. Bon, allez, si vous voulez justement être à l'aise, vous appelez le standard. Hein. 01 40 71 5000. Il y a Seba, dit l'espagnol, dit à l'aise, qui décroche, mais à son rythme. Hein. Donc voilà, faut pas avoir. Il décroche à l'aise. Voilà, c'est ça. Bon, on va rappeler le gars là pour les appels mal intentionnés, puisque tu devais appeler ta mère pour lui demander si. Je sais plus quoi. Bah, pour demander la dernière fois qu'ils ont eu un rapport sexuel. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Allez, on y va, on y retourne. Cette personne qui avait l'air très charmante. Oui, allô. Oh. Oui, non, j'ai appelé ma maman et elle vous connaît pas. Ah, c'est bizarre. Bah oui. Et du coup, alors ça remonte à quand la dernière fois que vous avez fait l'amour? Curieux personnage. Si vous voulez. Bon. Oui. Ça vous... Bon, allez, je vous le dis. Ah bah oui, j'aimerais bien. Allez, soyons francs. Soyons fous. Oui, oui, c'est le mieux. Oui, je préfère aussi. Bah voilà. Alors avant c'était hier. Quand avant-hier. Eh bah voilà, monsieur, il suffisait de le dire. Voilà. Bon, allez, on peut se souhaiter une bonne soirée, on se fait des poutous ? Ouais, on se fait des poutous, il n'y a pas de souci. Allez, bisous, bisous. Allez, ciao. Au revoir. Ben voilà. Au revoir. Eh ben, au revoir. Ben, au moins, il y a eu la réponse, voilà. Ben au moins, oui. On a eu la réponse, c'est le principal. Eh ben, une bonne chose de faite, tiens. Bon, on va récupérer dans un instant Mickaël, qui, je sais pas, j'ai pas tout compris à son histoire avec la meuf. Ça avait l'air important. Ça avait l'air important, ça avait l'air un peu compliqué. Et on va également faire le menteur, elles adorent qu'on leur mente. Et c'est Jess qui est avec nous, 24 ans à Saint-Lazare. Salut, Jess. Salut. Comment ça va, Jess? Ça va super. Bon, bah bienvenue à toi, Jess. Alors, GoPro peut-être pour toi, si jamais tu réussis le menteur, elles adorent qu'on leur mente. Le principe est simple, on va appeler quelqu'un que tu connais, on va t'imposer trois mensonges. Écoutez bien les auditeurs, on aura besoin de vos idées également dans quelques minutes. Et on va donc t'imposer trois mensonges, tu vas devoir les lui faire croire. Et on va appeler qui justement pour faire croire les mythos? Bah écoute, deux propositions sympathiques. Dis-moi. C'est soit une amie. Ouais. Une amie qui s'appelle Jennifer. Ou d'accord. Alors un pote qui s'appelle Thomas, mais je sais que vu que c'est que fille contre fille, on va dire. C'est toi qui vas. Bah, je sais pas lequel des deux risque de s'énerver le plus parce que, tu sais, d'habitude on fait ça avec des couples parce que t'as tendance à un peu plus t'énerver. Et là, je sais pas, est-ce qu'il y en a un des deux qui est un peu, tu sais, qui est un peu possessif en amitié? Bah, ce serait plus Thomas. Il sera plus crédible. Ouais. Il est vraiment crédible. Et, bon. Écoute, file le numéro des deux de toute façon à Seba au standard. Ne bouge pas. Ouais. On va réfléchir. On se met la pub rapido si on revient avec toi juste après, d'accord? Ok, ça roule. Bon, et bah, bouge pas de la Jess. Et bah, du coup, on va appeler le copain ou la copine dans quelques instants. On se fait le menteur, elles adorent qu'on leur mente. On se met la pub et on revient avec 21 Pilots sur Energy. Venez assister à la première de la comédie musicale la plus spectaculaire de l'année. Les Trois Mousquetaires. Au Palais des Sports à Paris. Avec Energy. Dès que vous entendez le double hit Trois Mousquetaires, appelez Energy 3937 et gagnez vos invitations pour assister aux toutes dernières répétitions et à la première des Trois Mousquetaires. Le 29 septembre. J'en rêvais. Energy numéro 1 solide. Pop, R&B, Dance. Hey, salut, c'est Coé. On peut être fier de son équipe, de sa région, de sa ville. Moi, je suis fier de dire Sam, c'est moi. Fier de faire la fête sans alcool et de ramener mes potes sans faire de drame. Et sans vouloir jouer les héros, en tant que Sam, je sauve des vies quand même. Du coup, je suis un peu un héros, non? Ouais, ça fait déjà loup, mais j'ai l'habitude. Pour être Sam à ma place, il suffit de se désigner avant de partir en soirée. Bon, maintenant, vous le savez, Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Rendez-vous sur Facebook pour célébrer votre Sam, le conducteur désigné. Samuel se prépare à aller chez McDo, mais pour l'instant, il est à la fenêtre. Il regarde une coccinelle. Elle est marrante. On dirait qu'elle se nettoie les antennes avec ses petites pattes. Oh, qu'est-ce qu'elle est mignonne. 6 points noirs, ça veut dire quoi, 6 en numérologie? Bref, Samuel se prépare à sortir pour aller chez McDo. Mais il n'est pas encore rendu, vu que là, il s'occupe de sa coccinelle. En même temps, c'est pas grave d'arriver tard. Cet été, la plupart des restaurants McDonald's restent ouverts jusqu'à minuit, ou plus. Trouvez le vôtre sur mcdonalds.fr.

de 20h à minuit. Tout à fait. Et d'ailleurs, il y a le son de Parakeet qui arrive. Et on se mettra Ritza. Il y aura Charlie Puth. Et il y aura DJ Assad. Bon bah il y a du lourd hein, qui va arriver, ça se passera avant 22h, restez bien sur Énergie. En direct donc jusqu'à minuit avec, avant de prendre Jess pour le Montelleur, il y a Mel qui est avec nous de Saint-Nazaire. Je vous en parlais au début d'émission, là il y a les Suisses qui ont lancé un nouveau truc, ils payent les gens pour arrêter de fumer. 50% de réussite en plus. Putain c'est fou hein. C'est dingue, 1 500 euros ils sont payés, 1 500 francs suisses qui sont payés pour arrêter de fumer, par incroyable. Non c'est pas par mois, c'est non, par... Non c'est en une fois, c'est des bons d'achat en fait. Ouais. C'est pas beaucoup. Bons d'achat pourquoi? Bah, c'est genre c'est Carrefour quoi. Ah d'accord, bon sympa. C'est, bon Mel, c'est Migros. T'appelles Migros. C'est naze comme nom. C'est un peu, bon, ça fait un beau surnom pour toi. Ouais. Ah, t'appelles de Saint-Nazaire, Mel. Ça va bien? Oui, j'appelle à côté de Saint-Brévin exactement. D'accord, bah, comme ça on a la localisation exacte. Voilà. Bon alors Mel, bienvenue à toi. Tu voulais réagir par rapport à la cigarette. T'arrêterais toi de fumer si on te proposait 1500 bon on va dire 1500 euros pour arrondir. Enfin, je sais pas, déjà, est-ce que tu fumes? Première question. J'ai arrêté de fumer il y a un peu plus d'un an. Ah, bien, t'as fumé combien de temps? 4 ans. Quand même, d'accord, ok, très bien, c'est bien. Et t'as arrêté pourquoi? Parce que tu voulais, parce que... J'ai arrêté principalement par amour, en fait. Oh. Ah ouais. Bah écoute, moi j'ai toujours dit, en général, il faut jamais faire quelque chose pour quelqu'un. Enfin, surtout là-dessus. C'est la cigarette, par exemple, tu arrêtes parce que toi, t'as envie de t'arrêter, parce que tu t'es enfin rendu compte que c'était de la merde et qu'il y a un moment, tu voulais passer à autre chose. Mais faut pas le faire pour faire plaisir à quelqu'un, parce que t'as toujours envie, machin. Enfin, je pense, après, j'ai jamais fumé, mais... Je pense que Jackie veut réagir. Non, ça ira tout à l'heure, peut-être. Bon, et donc du coup, Mel, donc, ça fait un an que t'as arrêté, ça va, c'est, ça va? Bah, je l'ai fait pour moi aussi, parce que en fait, quand je venais à Saint-Brévin, il y avait personne qui fumait en fait, dans mon entourage, donc du coup, ça a vite pris la décision. En fait, tu viens de un truc important, c'est ça en fait, les gens fument par rapport à leur entourage. Ouais, hein. Ouais. Il y a plein de gens qui sont vachement influencés. Oui. Bah viens, on va fumer une clope. C'est ça. Ah bah oui. Vas-y, tiens, prends une clope. Voilà. Tu sais, alors, est-ce que j'ai envie de taper dedans quoi. Ah, je déteste les gens qui fument. Et tu sais, la fumée dans les yeux, ils brûlent, ça brûle. Ouais. Tu sais pas alors, ce que c'est. Bon, le pire, c'est quand t'as avec quelqu'un au téléphone et qu'il fume, tu sais, alors il a. Tu sais, alors il parle en inspirant, c'est insupportable. J'ai envie de raccrocher. Je déteste ça. Enfin bon bref. Et donc qu'est-ce que j'allais dire? Et donc du coup tu en galères ou pas Mel? Ça dépend. Il y a des jours plus que d'autres, mais bon bah après c'est le but du jeu aussi. Hein. En fait j'ai arrêté du jour au lendemain donc sans rien prendre, sans rien. Donc c'est sûr que c'est un peu plus compliqué que prendre des patchs et tout, mais bon. Ouais. Pourquoi tu veux manger des pâtes? Des patchs, mon gueule. Mais non mais attends, mais parce que bon, toi tu l'as pas compris. Qu'est-ce que j'ai pas compris? Bah, t'as dit pourquoi pâtes. Tu veux manger des pâtes? Qu'est-ce qu'il est bête, ce mec? T'es nul! Oh, t'es un vrai tas de merde! C'est vraiment ridicule. Bon, et donc, du coup, si tu fumais les 1500 euros, tu les prendrais ou pas pour arrêter? Je pense pas, non. Même putain, moi je les prends. Hein. Bah, moi je suis capable d'allumer. Moi je vais me remettre à fumer. Je suis accro! J'ai deux paquets par jour. Le mec il arrive avec 4 paquets sur lui, il est en train de trembler. En fait, j'achète des clopes, je mets mes mains au-dessus pour qu'elles deviennent jaunes. Je suis regardez, je suis accro à mort. Voilà, moi je peux pas faire autrement là. Je peux pas m'en passer. Le fraudeur. Bah quoi? Il y en a qui l'ont fait, c'est sûr. Bah mais c'est certain même. Et c'est d'ailleurs ce qui va faire que le programme va s'arrêter. À cause des fraudeurs, voilà. comme toujours. Bon, bah Mel, merci d'avoir appelé en tout cas, tu nous rappelles quand tu veux. Oui, est-ce que je peux faire une petite dédicace? Eh bah, vas-y, profite, t'es là, Mel. Donc, je vais faire une petite dédicace à Enzo, Kelly et Totor qui m'écoutent depuis l'Ille-et-Vilaine là-bas. D'accord, pas de problème. Et bah, beau département, l'Ille-et-Vilaine. Et bah, message passé. Merci, voilà. Toff. Et bah, merci en tout cas, Mel, et tu nous rappelles quand tu veux. À bientôt, Mel. Bonne soirée. Salut, ciao à toi, attends. Mel. Vous avez remarqué que Toff va dans tous les trucs bizarres. Et je jamais dit je vais aux Bahamas. Non, moi je visite la France, monsieur. Non, c'est parce qu'il y a Vilaine dans le nom. Ah, d'accord. C'est pour ça. Et ça c'est marrant. Non, mais non, mais attends, je veux dire, voilà, il faut pas chercher plus loin. Allez, montez leur alors qu'on leur monte avec Jess. Donc, on va appeler Thomas, c'est ton pote, du coup, Jess, hein. Ouais, c'est ça. Voilà. Bon, le Montelleur, elles adorent qu'on leur mente. Le principe est simple. Enfin, en l'occurrence, c'est ils adorent qu'on leur mente. C'est qu'on va t'imposer trois mensonges. Et évidemment, pour avoir des idées de mensonges, on va d'abord faire connaissance avec Thomas. Donc, il s'appelle Thomas. Donc, très bien. Quel âge il a? Il a 23 ans. Vous connaissez depuis combien de temps? Oh, on se connaît depuis la primaire. Depuis la primaire, d'accord. Ok, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il est dans les banques, principalement. D'accord. Donc, un escroc. Très bien, voilà. Okay. Il ira sûrement, il travaille pas au LCL parce que sinon Tof c'est peut-être son banquier. J'adore Tof, il les adore. Non, je ne pourrais pas participer. Ah d'accord, ok. Donc il travaille dans la banque, ok. Et toi, tu fais quoi dans la vie, Jess? Moi, je suis conseillère vendeuse à Orange. Conseiller Orange, d'accord. Ah, Tof, je voulais justement faire baisser mon forfait. Oh, tu vas pas nous foutouler avec chaque fois qu'il y a quelqu'un de chez Orange qui passe, Tof. Oui, je fais ce que je peux. Bah oui, c'est cher, hein. Oh, bah c'est oui, cher, bah oui, bah téléphone moins, on casse pas les couilles. Voilà. Tu veux pas des appels. L'autre, il fait des appels d'intention chez lui. Oui, bonjour, monsieur. Mais alors, c'est pour ça que j'ai pris de limiter. Ah, bah voilà, c'est ça. Bon, et donc toi, t'es conseillère, ok, d'accord. Vous avez jamais tenté un moment ou un autre de sortir ensemble? Parce que bon, les meilleurs amis hommes-femmes. Non. Oh, mais lui, il a envie de te pécho, lui, d'une manière ou d'une autre. Non. Alors t'es moche. Oh. Mais non. Ouais, ça veut rien dire, frère, ça. Ouais. Bah, tu sais, non. Bon, alors, Jess, combien mesures-tu? Qu'on mesure cette femme, s'il vous plaît. Donc, Jess, combien mesures-tu? En mètres. Ah, je fais 1m80. Combien? Oh. 1m80. Oh, ça cumule, là. Les... Combien pèses-tu, Jess? Putain, En poids, en kilogramme. Je sais pas, je me suis pas pesée récemment. À peu près la dernière fois. Dans les 80 kilos. D'accord, quel est ton tour de poitrine? 95D. Oh. Ah, D comme Denise, oui, tout le poids là-dedans. Alors. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? 42. Oh, 42. Ah, il y a de l'espagnol. Il y a de quoi faire là. Il y a de l'espagnol là, quand même. Il y a de quoi faire de tous les côtés. Ah, ouais, ça j'imagine. Oh. Ouais. Et lui, il est grand ou il est petit? Il est pas très grand. Ah, ouais, d'accord, ok, très bien. Donc jamais vous vous êtes couru, vous êtes reniflé quoi? Au sens figuré, hein. Bien sûr, évidemment, évidemment. Il ne faut pas te sentir le cul. D'accord. Hein. Bon, est-ce qu'il y a des trucs qu'il déteste chez toi? Alors je le taquine toujours sur le fait qu'il soit toujours. Ah, il est puceau. Non, ça se fait pas, on peut pas se moquer d'un puceau. Non, mais ça arrive. Bah, c'est un banquier, hein, bref. Un banquier. Sur sa taille, hein, clairement sur sa taille. D'accord, ok. Et est-ce qu'il y a des gens que tu côtoies qui ne l'aiment pas? Non, pas particulièrement. Un ex, éventuellement, non? Non, en fait, il aime bien tous mes copains, bah, mes ex. Tous il est gay? Oui, il les aimait bien. Non, j'ai payé. Ah, je sais pas, non, mais il demande. Il a des verres, mais. Ouais, donc il est gay, quoi. Il est gay. Attends, un mec qui est sa meilleure amie, voilà. Machin, et jamais il va lui courir derrière, même pas une allusion, et qui aime bien tous tes copains, je veux dire, à un moment. Et en plus, il a des airs gays, bah il est gay, c'est pas grave, hein. C'est comme Seba, hein. Il aime bien les femmes typées coréennes. Asiatiques. Les Asiates, d'accord. Ouais, Asiatiques. Ok, ok. Est-ce que tu fais des choses qu'il n'aime pas? Genre, tu sors souvent et ça l'ennuie parce que voilà, ou tu je sais pas moi. Tu pètes. Je joue à des jeux vidéo, en fait. Et ça l'emmerde? Bon, j'ai essayé de le convertir, mais jamais il a voulu. Il préfère FIFA, moi je préfère League of Legends, et tout comme ça. Ah oui, d'accord, putain, gros battle à la maison alors. FIFA, non, C'est quoi tu m'as dit encore? League of Legends. League of Legends. Ok, d'accord. Ça donne pas des idées de ouf en termes de mytho à balancer, hein, pour qu'il s'énerve en tout cas. Si, à la limite, t'es à quelle banque toi, Jess? Ah, je suis Crédit Agricole. D'ailleurs, il a été dans ma banque. Ah, d'accord. Bah, tu peux dire qu'il était. Il est tellement mauvais que tu décides de changer de banque. Un truc, je sais pas si ça va énerver. Bon, écoute, on va réfléchir à des trucs. On va réfléchir. Amina, une idée de mytho? Ouais, elle peut lui proposer de le dépuceler. Comme c'est une bonne amie. Ah, c'est pas mal. Pas mal. Ça, c'est pas mal. Et évidemment, tu te prendras mal si jamais il refuse. Ça, c'est pas mal. Ouais, tu es obligé de te vexer. Ah ouais, très bien, très bien. Oui. Bon, Tof, une idée de mytho? Bah, j'avais celle-là, mais. Bon, genre. Comme par hasard. Ouais. Mais je vais en trouver une autre d'ici là. Eh bah, voilà, Polo, une idée de mytho? Bah, non. Pour l'instant. Non, parce que je suis pas inspiré là. C'est... Bon, réfléchissez, vous aussi, si vous êtes derrière votre radio, vous avez une idée, proposez-la par SMS. Mickaël et votre message au 611-12. Vous pouvez aussi appeler Seba au standard, dit l'espagnol, dit à l'aise, au 01 40 71 5000 ou alors Facebook, Twitter, Instagram, vous tapez M-I-K-L officiel. On se met le son de Parakeet, Jess, et on te reprend juste après, d'accord? D'accord. Bon, très bien, bah, bouge pas de là, tiens. Allez, bonne soirée tout le monde, c'est Mickaël, on est sur Énergie, et puis on est tranquille, à l'aise, jusqu'à minuit, comme tous les soirs, pendant l'été. About to land, after years of joy, life was a fairy tale that you've destroyed. I feel the ground, hard to walk again, you told me how to fly, you drove my head. c'est Mickaël, on est sur Énergie, il y a le son de RZA qui va arriver. Bah, si c'est comme ça, hein. On écoutera Charlie Puth également avec Selena Gomez. Et DJ Assad qui va débarquer sur Énergie avant 22h, je l'ai promis, ça va arriver. Et puis on va se faire aussi le menteleur, elles adorent qu'on leur mente. Changement de dernière minute. Vous pensiez passer des vacances tranquilles à la plage, à bronzer, avec votre famille, à faire la fête? Stop, on arrête tout. Mickaël débarque tous les soirs de 20h à minuit sur Énergie. Tout à fait, allez c'est parti. Retour donc avec Jess pour le menteleur, elles adorent qu'on leur mente. T'es toujours là Jess? Oui, je suis toujours là. Bon, bah très bien. Allez, Jess, menteleur, elles adorent qu'on leur mente. On a pris quelques infos. Est-ce que quand tu dis qu'il aime bien tous tes ex, il aime ton ex actuel aussi, ton mec actuel, pardon, aussi ou pas? Ouais, il le trouve super génial. C'est limite, c'est son dieu, il le vénère. Donc il a envie de coucher avec lui. Bon, et quel âge, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Avec mon mec actuel? Ouais. On entame notre cinquième année de vie commune. D'accord. Eh ben parfait. Alors moi, j'ai l'idée de mensonge. Magnifique. Donc déjà il y a Amina qui avait proposé de proposer comme il est, voilà, comme il est puceau, tu lui dis voilà écoute on est meilleurs amis, je te propose de dépuceler parce que voilà, pour dépanner. Et voilà, et avec l'autre idée c'est qu'en fait tu viens de rompre avec ton mec parce que c'est un connard, t'as envie de vivre ta vie, c'est genre comme toutes les meufs, ouais, enfin, ou même les mecs, tu sais, de 20 piges là, t'as envie de vivre ta vie, t'as envie de t'éclater, de te faire éclater aussi, tu peux lui dire mais sois vulgaire avec lui, c'est genre qui te reconnaissent pas, non mais qui te reconnaissent pas, et donc tu lui dis voilà. Et t'es le premier qui va passer par là. Mais tu sais, genre, sois dégueulasse, c'est pour qu'ils te reconnaissent pas. Tu sais, genre, j'ai envie d'avoir des kilomètres et des kilomètres de sexe. Tu sais, genre, voilà. Donc, ça, c'est le premier mensonge. Bah, deuxième mensonge, du coup, hein, il est fait, hein, ça y est. Il y a Alex sur Vincent sur le Twitter qui dit: proposez-lui d'attaquer, d'escroquer la banque avec un faux crédit et avec des faux docs. Ah, oui, putain, c'est bon. Oui, ça. C'est ça. Ouais. Je voulais que tu lui demandes s'il peut t'avoir une grosse somme d'argent. Ah, et comme par hasard, il reprend le. T'offres, reprend l'idée de Vincent. Quelle arnaque. C'était écrit. Oui, bah moi aussi c'est écrit. Bon, donc effectivement ça peut être une idée ça. Donc double idée. Donc tu quittes ton mec actuel parce que voilà t'as envie de te faire défourailler par tous les mecs qui passent, t'as envie d'en profiter. En premier, ouais. Tu veux lui rendre service, tu veux le dépuceler parce que voilà c'est pas normal. Tu lui dis hein, c'est pas normal que tu sois encore comme ça, ça va pas, c'est pas normal. Et enfin tu dis bah voilà comme t'es à la banque et tout, ce serait bien qu'on puisse arrondir nos fins de mois. Ce serait bien que tu puisses nous faire de faux crédits et comme ça on prend l'argent. Parce que tu veux faire un tour du monde. Ouais, tu veux faire un tour du monde et comme ça tu prends l'argent mais pas grand chose, hein, genre 100 ou 150 000 euros, un faux crédit quoi, et tu te barres après avec les 150 000 et tu sais une histoire complètement. T'as des potes au Togo. Ouais, une histoire complètement il, ouf. Il veut vraiment retourner en Corée, donc du coup, je peux lui proposer ça. Oui, voilà, bah pourquoi pas. Et tu lui dis, voilà, avec ça, on va vivre comme des dingues là-bas, tu viens avec moi et tout, on quitte toute cette merde-là, ta banque pourrie, tout ça, etc., etc. D'accord, c'est bon. C'est good, Jess, tu veux te ramener les mythos ou tu as tout retenu? Alors, je dois quitter mon copain. Non, tu as quitté ton copain. Ouais, j'ai quitté mon copain. Ouais. J'ai envie de dire que je vais le dépuceler. Du coup, je suis une grosse nymphomane. Et voilà. Je veux partir en Corée avec lui, mais pour ça, il faut qu'il fasse des crédits frauduleux pour qu'on ait de l'argent. Et bah parfait, très bien. Bah, c'est une bonne idée ça. Lui dis pas frauduleux, dis-lui qu'il faut qu'il arrange un crédit pour que vous ayez jamais à le rembourser quoi. Et alors, lâche un à l'aise. Ouais, tu mets un petit à l'aise. À l'aise, reste à l'aise. Et alors, au cas où, si jamais t'as besoin d'un coup de main, tu vois que s'énerve pas, je sais pas, tu peux dire que t'es avec Michel, c'est moi, et je suis le premier à t'être passé dessus. Non mais Michel. Tu vois, Michel, voilà, le premier mec, voilà, ta vie. De quoi? Un autre nom. Un non, ah non, c'est toujours Michel, Jess. Mais Michel. Tu peux appeler Mimi, Mich, enfin on s'en fout. Chechel. Hein. Ouais, Chechel, enfin ou Shell, enfin bon bref, prestation service. Ok. Bon, on y va, Jess. Bonne chance, c'est parti, on appelle, et puis bah, j'espère que ça a fonctionné. GoPro a gagné, donc on appelle Thomas. C'est parti. Ok, parti. Allez. On y va, on est bon. Donc je suis derrière toi au cas où, dans tous les sens du terme d'ailleurs. Parole. Ouais. Croisons les doigts. Oui, allô? Oui, allô, Thomas? L'espagnol. Oui, c'est moi, bonjour, bonsoir. Ah, salut, c'est ça va? Cristiano Ronaldo vient de m'établir. Ça va et toi? Allez. Ça va, écoute, tranquille, à part l'insolation, j'ai très mal au bide, mais autrement, ça va. Ok, génial. Voilà. T'es pas le dernier au courant, mais t'es pas le premier non plus, mais avec Mike, c'est fini en fait. Non. Non, tu me fais une blague. Non, on s'est séparés. Il est gay. Voilà. J'espère, hein. Écoute, on s'entendait plus. Oh, eh, tu sais quoi, quand j'étais au chiot, c'est lequel de le dire, je me suis dit, pourvu que c'est pas un truc avec Mike en plus. Ouais, là, je suis sur le cul, enfin, je suis debout, mais je suis sur le cul, là, ça me... Merci de préciser. Mais depuis quand? Ça fait une semaine, là. Il va pas s'énerver. Dans la maison, mais voilà. Il n'y avait plus rien entre nous, il n'y avait plus de sexe, il n'y avait plus rien, et moi, tu sais, petite tendance lymphomane et tout. Voilà. Bah putain, ça me fait ça me fait vraiment chier sans faire de jeu de mots. Excuse-moi, je suis un peu débile. Mais je suis aux toilettes. Mais merde, mais t'es... Enfin, c'est peut-être un... Comment dirais-je, un truc passager, non? Ou c'était vraiment... Non, bah écoute... Non, c'est définitif, là, il cherche un appart. Enfin bref. Du coup, voilà, j'ai trouvé d'autres mecs. Et je voulais savoir, vu que tu es toujours puceau, est-ce que tu veux coucher avec moi? Je vais bien te dépuceler. Oh, t'es bourré quoi? C'est une blague. Non, je suis sérieuse. Tu sais, ça fait longtemps qu'on se connaît, alors du coup, tant que tu fasses quelque chose avec quelqu'un que tu connais, quoi, que tu sens en confiance. C'est très très gentil, mais mais là, je comme préfère ça, les services trois pièces. C'est dingue, quoi, je suis pas ton genre, c'est ça? Tu me trouves pas jolie? Peut-être que Michel. Non, c'est pas du tout ça, mais bon, truc de. Je suis pas sexuellement attirante, c'est ça. Non, si c'est une caméra cachée, c'est très drôle. J'espère que c'est ça, mais. Non. Une caméra cachée, mais au téléphone. Tout, c'est pas le cas de. Non, voilà, je. Non. Tu veux pas de moi, ok. Ok, je sais pas comment je dois le prendre. Écoute, je suis pas à ton goût. Ok. En même temps, c'est... là, je suis un peu sur le cul. Tu viens de m'apprendre que tu t'es séparé avec Mickaël et tout. Enfin, moi, justement, je veux profiter de la vie. Mickaël, tu vois, c'est son mec. Tu t'as fait tous les mecs possibles, à l'aise, tranquille. Allez. Et puis me prendre la tête, écoute. Bah écoute, moi, j'ai... Je suis pas un objet sexuel, je vais pas faire ça comme ça. Surtout que j'ai planifié mon plan pour la Corée. Bah, comme tu sais, je pars dans moins de 3 semaines et puis ça va se déboucher. Moi je vais y aller là. Hein. Bon, bah merci beaucoup pour la soirée. Hein. Ah, y a pas de soucis. Bon, ouais, puis à bientôt. Bah, tu me rappelles. Hein, Ok. On se fait ça alors. Ouais. Très bien. Bon, la prochaine fois, on teste un à l'arrière. Ouais, c'est mon plan cul de ce soir en fait. Mais je suis sûre que tu fais une grosse blague. Non, je suis sérieuse. J'y crois pas du tout. En le mec plus, qui s'appelle Michel, je l'ai rencontré sur Badou, là, je sais pas trop quoi, ou Adopte un mec. Si tu dois rencontrer lui, là. Ah, c'est dommage. Oh là là là là là là là là. C'est pas possible. Je te crois pas. Non, c'est trop gros pour être vrai. Ah, autant vous dire que s'il croit pas déjà ça. Là, il nous entend pas. Le prêt là à la banque, c'est bon. Ah, je sais pas ce que tu me fais là, mais c'est un peu bizarre. Enfin, moi, ça me fait. Bah, non, ça me fout les boules. Limite, faudrait que je passe chez toi pour vérifier si c'est vrai. Enfin, si vous êtes plus... Ah, on a Colombo avec nous. Écoute, viens, tu vas voir, le mec, il est trop vénère, il en peut plus, là. Il dort sur le canapé, mais on n'est plus ensemble, c'est fini. Putain. Ah, c'était peut-être pas le meilleur client, Jess, hein. Ouais, je reste pas, il marche pas. Ah non, ah non, ah non. T'es en quart de tour d'habitude, je comprends pas. Ah bah ouais, bah ouais. Bon bah Thomas. Oui, bonjour. Bon, oui, bonjour. Bon, c'était bon le Monteller, ils adorent qu'on leur monte. Effectivement, ouais. T'es en direct à la radio sur Énergie. Le but, c'était que ça t'énerve un peu. Donc là, tout est raté, là. Oh, les conneries. Ah ouais. Non, bah oui. Non, mais là, les. Bah, tant pis. Bon, bah, c'est pas grave, ça arrive au meilleur. Hein. C'est rien. Hein. Bon, bah, Sur Énergie en plus. Ah bah oui, sur Énergie en plus, ouais. Bon bah là, c'est raté. Ça arrive parfois comme ça foire, c'est pas grave. Ça peut arriver. Du coup, on en fera peut-être un autre tout à l'heure. Si vous voulez d'ailleurs participer, 01 40 71 5000. Bon bah du coup, Thomas, tant pis, hein. Bah bonne soirée. Eh bah bonne soirée à toi aussi, alors. Salut Thomas, ciao. À plus, bon courage. Allez, à bientôt, bye bye. Bon, hey Jess. Ouais, il est gay, hein. Je suis très déçu. Non, il est gay, là, bah ouais. Non, mais ça s'entend, excusez-moi. Après, j'ai pas un gaydard comme certains le disent. Mais en tout cas, effectivement, tu disais qu'il avait des. Comment tu dis, des tendances. Des tendances.

c'est appel mal intentionné, auditeur complètement dingue, Pécheux, des canulars et surtout Mickaël, Duff et Polo de 20h à minuit sur Énergie. Et on va s'écouter le son de Rinza maintenant. Juste après, on récupère Mickaël comme promis, Maxime également, parler de plan 3 et on se fait les appels mal intentionnés. C'est après Rinza sur Énergie. Je m'en fiche de ce que les gens pensent, c'est les regards qu'on me lance. Désormais, je m'en fous. J'avance, tant pis si cela t'offense. Ton avis n'a pas de sens. Aujourd'hui je m'en fous. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour. J'entends plus, je fais le sourd. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour. Pourquoi tu me tournes autour? Je m'en fous. Tu sais plus rien ne me blesse. Tu perds ton temps, tu me testes. Mais moi je m'en fous. Et au fait, non je ne retourne pas ma veste. Que tu partes ou tu restes, finalement je m'en fous. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour. J'entends plus, je fais le sourd. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour. Pourquoi tu me tournes autour? Je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour. J'entends plus, je fais le sourd. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour. Tu me tournes autour. Laisse-moi faire mes affaires. Je te laisse faire des efforts. Quitte à tout foutre en l'air. Ouais, au fond, je m'en fous. Rien à faire. Tu as raison, oui, j'ai tort. Moi, je préfère me taire. Ouais, au fond, je m'en fous. Et passez une bonne soirée, surtout jusqu'à minuit, on est en direct. Cet été, Mickaël n'ira pas bronzer à Hawaï. Duff n'ira pas chez sa mère. Et Polo n'ira pas prêcher sa philosophie. Par contre, ils seront avec vous tous les jours de 20h à minuit sur Énergie. Et sur Twitter, Facebook et Instagram. Et d'ailleurs, c'est sur M-I-K-L officiel. Si jamais vous avez envie de venir nous rejoindre, vous êtes évidemment les bienvenus. Bon, demain avec Amina, on va réessayer la piscine. On l'avait fait la semaine dernière, hein, ouais. Comme il va faire chaleur. On va voir si Tof va se faire tèche de la piscine ou pas. Tu tentes quand même la faire ou pas, Tof? Non, je sais pas, non, je pense pas. Oh, ça y est, tu vois, il a peur de se faire tèche. Bah ouais, ouais, pas deux fois de suite. J'avais trouvé une autre. Bon, les moins ronde, mais c'est pas deux affronts deux fois de suite. Oh genre, oh là là, mais quel cinéma. Bon, message qui dit trop bien, une geekette demande lui quel perso elle joue sur League of Legends. Ah oui, c'était par rapport au Manteller. Bah oui, du coup c'est trop tard, on va en refaire un autre de Manteller dans un quart d'heure à peu près. Tom qui dit je suis là un peu à la bourre, ça arrive Tom, c'est pas grave. Jeune François qui dit il est banquier. Ah oui, donc ça c'était pour les idées de mensonges, mais du coup c'est trop tard. Antoine qui dit coucou Tof, Mickaël, Polo, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Et bah tant mieux Antoine, t'as oublié Amina aussi. Merci. Et c'est agréable. Ça se finira chez les flics. Salut l'équipe, j'arrive. Bonne soirée à toutes. C'est So qui avait envoyé le message. Et un message qui est Tof, toi qui es galérien avec ton forfait Orange, sache qu'après 6 mois d'engagement, tu peux réduire de presque moitié le prix de ton forfait en conservant tout à l'identique. Ah bon? Ah, je sais pas. Ah bah, comment ça, tout à l'identique? C'est-à-dire, oui, tu peux changer de forfait ou un truc comme ça, mais du coup, t'as pas l'identique. Tu peux pas payer, j'imagine, tu payes 60 euros de forfait pour avoir le full international, je dis n'importe quoi. Et tu peux pas après 6 mois dire bon, eh ben je garde tous mes avantages mais je ne paierai que 30. Ah, oui. Non, mais tu peux baisser de forfait après 6 mois. Oui, mais ça c'est je suis tout. D'accord, mais tu gardes pas tout à l'identique. Non, bah non. Bah oui, voilà. C'est ça, t'as plus rien. Enfin, je pense. Bah appelle-nous hein, si jamais c'est le cas ou pas, je sais pas. Donc 01 40 71 5000. Bon, Mickaël, on va te récupérer. Excuse-nous, on a eu le canular, tout ça, on a perdu un petit peu de temps. Au final, pour rien, mais bon, ça arrive. Bon, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi, Mickaël? Parce que j'ai pas tout compris de ce que tu me disais tout à l'heure et pour la peine, vu que ça fait longtemps, réexplique tout. Donc moi, en fait, voilà, je veux juste qu'on appelle la femme là, parce que j'ai des excuses à lui faire, car j'ai envoyé un message une journée, son mec qu'elle a actuellement là, s'est connecté sur Messenger, et il m'a envoyé des trucs pourris. C'est-à-dire et, c'est-à-dire qu'il m'a envoyé que j'étais un mauvais coup, machin, patin, coup fin, et donc j'avais les yeux rouges. Donc au lieu de me déplacer, de lui mettre des gifles, et bien, voilà, j'ai envoyé un message où ben, je lui ai expliqué de A jusqu'à Z ce qui s'était passé. Donc elle l'a mal pris, et donc ça a mis un front, j'ai fait paraître... Attends, parce que je comprends pas, donc son mec actuel se fait passer pour elle sur Messenger et il te cherchait la misère. Tu voilà. lui réponds que ça avait acheté un patin pensant, et des couffins. Non mais tu lui réponds pensant que c'était elle derrière Messenger forcément. Voilà, c'est voilà. Ça, c'est ça. Et là maintenant, elle te râle dessus parce que t'as mal vécu ce que lui t'a dit. C'est ça. Voilà, c'est pas que j'ai mal vécu, c'est en fait le message que j'ai envoyé. Bah oui, mais bon, en même temps, normalement, ça, entre guillemets, c'est elle qui est venue chercher la misère, puisque c'est ce que tu pensais, forcément, à juste titre. Donc voilà. Si elle comprend pas que c'est son mec qui est le fouteur de merde, qu'elle a chez sa rhum, nickel. Et le souci, c'est que ben, cette femme, ben, je l'aime, voilà, je suis tombé amoureux d'elle. Mais alors, ça, c'est incroyable. Je ne sais plus avec qui je parlais de ça. Ah bah si, avec Amina, je suis con. Voilà. C'est toujours les trous du. Non, mais c'est vrai, si t'es gentil avec quelqu'un, il va te cracher dessus. Si t'es un sac à merde, un connard ou une connasse, tu vas voir que le mec ou la meuf va préférer la raclure plutôt que le mec gentil. C'est le fou, syndrome bad boy. Ouais, non mais attends, mais tu peux être bad boy. Non, c'est pas le syndrome bad boy, c'est que les gens sont comme ça. Tu es sympa avec eux, t'es une merde. Ouais, et t'es une ordure avec eux, bah ils t'aiment bien. Oh, c'est génial, il est gentil, mais c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Parce qu'après, il a fait vivre la misère hein, pendant 4 ans. Il a eu fusil à la terre. Enfin, ouais, la... Bah alors, bah oui. Voilà, Jackie te dira, il va appeler à plomb Jackie, va nous dire. Bon, et donc du coup, tu veux faire quoi, Mickaël? Tu veux l'appeler pour t'excuser? Donc, voilà, pour m'excuser du message que j'ai envoyé. Et bon, et qu'en pense Jackie d'appeler pour s'excuser? Mais là, il va vriller, hein. C'est trop pour lui. Ah, il va monter en l'air, lui. Ah bah ça, c'est sûr. Mais Mickaël, en même temps, tu es pour rien. Je comprends même pas pourquoi tu t'appelles pour t'excuser. Oui, tu l'as. Mais attends, mais tu l'as insulté, t'as dit je sais pas quoi là, dans Messenger, sur Messenger, sur Facebook. Ah, bah, j'ai expliqué bah, tout ce qui s'était passé, quoi. Mais oui, mais voilà, tout ce qui s'est passé de quoi? Bah, tout ce qu'on a vécu ensemble, quoi. Donc voilà, et après, bah, j'ai su que c'était lui. Attends, oui, Amina, au tableau, qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'elle lève la main, elle lève le doigt, là, comme si elle allait. T'as la réponse 2 plus 2. Non, je pense avoir compris. En fait, la nana, elle sortait avec un mec, elle a dégagé un mec pour se mettre avec Mickaël, tu vois. Voilà. Et après, elle s'est remise avec son ex, voilà. Mais sans lui dire qu'entre-temps, elle avait eu Mickaël. Voilà, et du coup, ça. Elle s'est fait cramer. Voilà. Il était au courant je n'avais rien compris. Mais non, oui, mais moi non plus. Mais ça me rassure. Hein. Mais moi non plus, il avait. C'est pas ça qui. Enfin, c'est pas ça. Bah, Amina a réussi à comprendre, donc c'est bien. C'est des chiffres, les histoires. Ouais. Ouais. Ouais, mais c'est une femme, donc c'est normal. Ah, mais ça ne veut rien dire. On est des trous du cul. Eh ben voilà. Bon, en fait, on l'a. Amina est venue, non pas pour arriver, c'est pour jouer le décodeur avec certains problèmes. Bon, ok, d'accord. Bon, bah écoute, Mickaël, j'ai envie de te dire, fais ce que tu veux. Hein. On peut l'appeler si tu veux. C'est pas. Attends, il y a Jackie qui veut donner son avis. Voilà ce que j'allais dire. Attends. Bon, alors Jackie. D'abord la voix de la sagesse. Évidemment. Tonton Jackie. Jackie. Ouais. Bon ouais, alors, les gars. Tu peux pas laisser faire ça, Jackie. Un avis à donner. Ouais, je voulais mettre un peu ma classe au service d'énergie. Ouais, bah, c'est gentil. Ouais, voilà, vas-y. Heureusement que t'es là, Jackie. C'est celui-là, le pelot, là. Bah, en fait, il veut appeler sa meuf, enfin, il veut appeler son ex pour s'excuser d'avoir foutu la merde sur Facebook en parlant à son mec actuel. Bon, est-ce que j'ai besoin de vraiment dire ce que je pense ou pas? Bah oui, oui, vas-y. Bah, à savoir qu'il n'est que 21h36, Jackie, hein. Bah, pourquoi tu veux t'excuser, en fait? Bah, parce que tu veux la lever ou? Bah, parce que je l'aime, voilà, donc. J'ai fait une erreur, donc j'assume mes erreurs et voilà. Et, mais si t'assumes, voilà. Tu portes tes couilles et tu restes comme un bonhomme, tu restes droit. Et si elle va venir en rampant, mon gars, c'est elle qui va venir vers toi. Si tu lui montres que t'es un faible et que tu l'appelles pour t'esquiser, puis lui envoyer des fleurs et puis on va faire un restaurant, elle va te cracher à la gueule, mon pote. Et n'oublie pas les chocolats. Et chocolat, et puis je viens te chercher avec je sais pas quoi, nique ta race. Laisse-la, oublie là, mon gars. Oublie-la, montre-lui que t'es un bonhomme, mon frère. Mais oui, c'est comme ça que ça marche. Les meufs, elles aiment ça. Est-ce qu'on peut tuer l'animal qui est en train d'agoniser dans le studio, si c'est possible? C'est qui qu'on est en train d'égorger là? Bah, c'est Polo, c'est Polo. Mais cela dit, Mickaël, on est toujours sur cette grande phrase, mais qui, force est de constater, fonctionne. Fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Si tu lui donnes plus de nouvelles, elle viendra vers toi. Elle reviendra vers toi. Mais ça marche, Jackie. Non, mais là, il n'y a même pas à chercher. Mec, tu l'aimes, c'est un non-sens. C'est-à-dire qu'elle ne t'aime pas, elle est avec un autre mec, elle s'en fout de ta gueule. Va pas t'excuser. Mais t'es con, on t'a dit là. Tu la mets dans ton coffre et tu l'en... Non, non, Jackie, pas de ça, voyons. Arrêtez-le. Non, bon. Non, moi je pense que si tu dois faire un truc, Michel, tu vas chez elle, deux baffes et tu te barres. Michael, pardon. Alors, mais si je vais là-bas, mais c'est Bagdad là-bas. Non, n'y va pas, n'y va pas. Non, n'y va pas, n'y va pas, n'y va pas. Bon, écoute. Non, mais sérieux, fais pas ça. Sérieux, fais pas ça. Tu vas te cramer comme l'autre mongol de tout à l'heure, là. Tu vas l'appeler à la radio. Son mec, il va décrocher, va t'insulter. Tu vas te chier dessus. Excuse-moi. Fais pas ça, mon gars. Ah, mais t'inquiète, je vais les porter mes couilles, moi. Bon, Mickaël, après le conseil de Jackie, tu as décidé de faire quoi? Non, on va essayer, on verra bien. Déjà, ça décroche. Jackie, putain, fais quelque chose. Bon, Jackie, tu sais quoi? Reste avec nous, on va l'appeler ensemble. Mais tu fermes ta gueule, hein. On verra ce qu'elle va dire. Après, tu parleras après. Bon, bouge pas, Jackie, bouge pas, Mickaël. On va donc appeler l'ex de Mickaël dans un instant. On va se faire le menter, le rasador qu'on leur mente. Maxime qui voulait faire les plans 3. On va se faire aussi les appels mal intentionnés. D'ici, bon, il y a beaucoup de choses à faire avant 10h. Et puis on écoute, on fait tout ça juste après le son de Charlie Puth et Selena Gomez sur Energy. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. What's all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. I just heard you found the one you've been looking, you've been looking for. I wish I would have known that wasn't me. Cause even after all this time, I still wonder why I can't move on just the way you did so easily. Tonight, if he's holding on to you so tight, the way I did before, I overdosed. Should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame. But we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. Bonne soirée. Allez, on va faire les appels mal intentionnés. Mickaël passe en mode été. Alors soyez là avec nous tous les soirs pour s'amuser et délirer sur Énergie de 20h à minuit. Et avec le son de DJ Salkas qui est à suivre. Il y aura aussi Manzel Merlove. et Major Lazer. Bon, et bougez pas aussi, on va se faire un, on va se refaire un mentez-leur à Zador qu'on leur mente. Le premier ayant raté, bon bah voilà, ça arrive, c'est pas très grave. On va s'en refaire un nouveau dans un instant et on va se le faire avec Christiana dans quelques minutes, le nouveau mentez-leur à Zador qu'on leur mente. En attendant, on va récupérer Mickaël, donc qui est sorti avec une meuf qu'il surkiffe. Donc elle était avec un mec, elle, elle a quitté ce mec, ils sont sortis ensemble. Ensuite, bah elle s'est remise avec son ex. C'est ça. Sauf que le Mickaël, qui est avec nous au téléphone, croyant parler avec sa, son ex sur Facebook, a balancé le dossier comme quoi, eh ben en fait, l'ex de Mickaël, actuellement actuelle fille, copine de, du mec, est ensemble. Ça ne veut rien dire. C'était parfait. Non, non, c'est vrai qu'on c'est a le meilleur compris, résumé. Bah écoute, c'est aussi clair que ce que j'ai compris de Mickaël. J'espère que je vous ai bien aidé quand même avec cette explication. Bah tant mieux. Bon, Mickaël, tu y vas, appelle-la. Allez. Et puis bon, bah, un message de paix, d'amour et d'encouragement, Jackie. Bah moi, je veux bien faire l'intermédiaire et lui parler. Hein, s'il veut que je la convainc, il n'y a pas de problème. Hein. Mickaël, moi, je laisserai faire Jackie. Pourquoi pas, on peut essayer, mais bon. Oh non, non, les gars, non, mais attendez, on va être là. Mais non, à mon avis, il va me pourrir, donc non. Et bah alors, dis donc. Il y a de fortes chances, il y a de fortes chances. Bon, tu veux le faire ou tu veux pas le faire? Non. Moi, je dis que Jackie le fasse. Non, mais tu vas le faire ou Jackie le fait? Non, je fais moi, je fais moi. Vas-y, Jackie. D'accord, ok. Bon, et on se fait les appels, les appels mal intentionnés juste après. C'est clair. Bon, bouge pas, Jackie. Mickaël, on y va, c'est parti, bonne chance, gros. Ouais. Allez. C'est, quoi, c'est le jeu du gros là? Non. Ah bon. Allez. Je t'emmerde. Vous juste après, on se fait les appels mal intentionnés. T'as pas le droit de dire vous, je vous emmerde. Non. Voilà. Si je t'emmerde. Et ce soir, on peut essayer le jeu du à l'aise. On va mettre le plus de à l'aise. Et vous ne jouez contre, que contre Seba au standard. Ah merde, putain, on attend comme un con. J'ai même pas poussé sur le bouton pour rappeler ta meuf. Voilà, c'est parti. On y va, Mickaël. C'est, bon. C'est la faute de Seba au standard. Ça, Seba dit l'espagnol, dit à l'aise. D'ailleurs, n'oublie pas le top tweet, hein. Mettez un maximum de tweets avec à l'aise pour que les gens voient le hashtag à l'aise en top tweet et se demandent ce que c'est que ce truc. Allô? Oui, Mérine? Ça fait deux drames dans la même soirée. Mais on n'a pas dit que c'était Jackie qui devait. Bah non. Oui. Oh merde. Ouais, c'est Miguel. Oui. Ça va? Ouais. Donc voilà, comme je t'avais dit auparavant, bah, que tu recevrais un appel, donc voilà, c'est tout. Donc une chose que tu es sûr, toi, on est en direct sur une radio, donc sur une radio. C'est un bruit. Attends, c'est quoi cet embrouille là? C'est pas une embrouille. Donc voilà, c'était juste pour te dire que ben, je m'excusais pour le message que j'avais envoyé la dernière fois. On n'était pas à la radio. Hein. Voilà, que, comme tu sais, comme l'article que j'ai fait paraître. Donc voilà, t'es en direct sur Énergie, donc devant toute la France, et voilà, donc voilà, c'était bon, dire que je m'excusais et que je tenais. Voilà. Voilà. Donc voilà, il n'y a pas d'embrouille, hein, l'auditeur, enfin l'animateur, c'est Mickaël sur Énergie. Donc voilà. C'est faux, je m'appelle Robert. D'accord. Sur Allez, mais Mickaël de Énergie, je comprends pas là. On est en direct sur la radio. On le laisse en galère ou pas? Ouais, ouais. Le pauvre. De bah, toute façon, il est en direct sur 102.4, tu verras en direct sur la radio. Mais là, je pense qu'il a mis. Alors, voilà. Soit il a mis en attente. Allô? Ah, voilà, okay. Ouais, tu m'entends? Oui, donc j'étais en train de te dire à l'heure qu'il est là. Ouais. Je passe sur une radio, Énergie, à l'heure qu'il est là. Oui, à l'heure qu'il est, tu passes sur Énergie. Parce que je voulais m'excuser envers toi, parce que ce que j'ai fait, c'était pas bien. Et pour te dire que je t'aime, toi et ta petite. Voilà. Donc voilà, devant ben, toute la France, hein, ça s'entend jusqu'en Belgique, toi. Donc voilà. Donc je porte encore des couilles. Pas vraiment. Parce qu'après ce que j'ai fait, voilà. Oh, mais c'est une embrouille. C'est pas, non, c'est pas une embrouille. Ben, je te dis que c'est pas une embrouille. Mais si tu veux, ils vont te parler, tu verras. Tu verras que c'est pas une embrouille. On va le laisser en galère. Tu verras que c'est pas une embrouille, c'est pas des conneries. Donc voilà, avec tout ce qu'on s'est promis, tout ce qu'on a vécu ensemble, donc ben voilà, je voulais te le dire devant toute la France entière, voilà, je t'aime. Mmh. Et je m'excuse du message que j'ai fait la dernière fois. D'accord. Donc, mais là, voilà. J'y crois pas trop, mais bon, c'est... Bah, tu crois pas trop, mais écoute, attends deux secondes, tu vas prendre la communication, tu vas voir. C'est pas des conneries, c'est pas des. Autrement, je t'aurais pas appelé, je t'aurais pas fait appeler en masqué, parce que moi j'appelle pas en masqué. Donc je t'aurais pas fait appeler. Ouais, en elle aurait pas décroché. Ouais. Donc voilà. Donc je sais pas si Mickaël il nous entend et s'il peut prendre la parole un peu. Non. Il y a personne. On est vraiment des connards. Non, mais c'est vrai. Parce que là, ils nous entendent pas. Voilà. Mais Jackie dans le truc. Donc voilà, c'est sur énergie, mais c'est pas des conneries, c'est pas des bars, c'est je raconte pas de conneries, c'est devant la France entière. Mais il veut pas parler, Jackie. Mais si à l'aise, il lui dit qu'il peut parler. Ah, mais il peut pas le faire à l'aise. Allô. Elle est plus là. Allô. Oh la vache, Mickaël a raccroché, dis donc. Ah ouais, parce qu'elle me croit pas, elle ne croyait pas que j'en étais sur énergie. Mais attends, parce que Jackie. Attends, Jackie, on va la rappeler, mais Jackie, tu dois apprendre un truc que je viens d'apprendre à l'instant. Mickaël, tu as fait tes excuses dans le journal de la ville. Ouais. Mais t'es sérieux? Mais t'es un ouf. Mais fais pas ce genre de truc. Jackie, un avis? Eh, mais le mec, il est en train de trembler, man. Tu t'as pas de couilles, mon frère. Tu penses pas tes couilles, là. C'est pas un homme, mon gars. T'as quel âge? 41. T'as 41, tu pourrais être un daron, mon gars. Porte tes couilles, je suis un daron, justement. Ah bon, d'accord. Mais t'es en train de trembler quand tu parles. Bon, bah oui, mais bon, il est amoureux, Jackie. Bon, attends, on va la rappeler. On la rappelle, et Top va s'excuser. Voilà. D'accord, moi je m'excuse. Non, tu vas faire de la merde, toi, tu vas. Oui, je viens de bêcher ce soir. Bon, j'y arrive, hein. Allô? Oui, Delphine? Oui. Bah pourquoi t'as raccroché? Mais parce que j'ai raccroché, parce que je veux pas d'excuses devant des milliers de personnes. Bon, bah, on n'est pas des milliers, il faut pas abuser non plus. Bon, voyons. Bon, tu aurais préféré, c'est ce que je t'avais dit, Mickaël, tu aurais préféré qu'il s'excuse juste en face-to-face? Ah non, mais même pas d'excuses. Il sait très bien ce que je pense. Donc après, je vais pas le dire devant des milliers de personnes, je suis pas comme ça. Des millions, voilà. Nous, on aurait bien aimé quand même. Bah oui, nous, on aurait bien voulu, mais enfin bon, elle veut pas. Bon, d'accord, donc c'est mort, tu veux plus entendre parler de Mickaël? Voilà. Bon, bah, au moins, les choses sont claires, Mickaël. Mais on peut savoir pourquoi? Mais non, elle vient de te dire qu'elle voulait pas, c'est dingue ça quand même. Un petit indice. Non. Bon, donc. Bon, alors, je vais vous. Écoutez-moi, je vous stoppe. Dis-nous. Ouais. Voilà, je vais vous dire. Donc, il sait très bien ce que je pense. Je veux qu'il me foute la paix. Voilà, j'ai une gamine. Ouais. Voilà, donc maintenant il fait sa vie, je fais la mienne. Mon choix est fait. Bon, bah voilà, Mickaël. Voilà. Bon, bah au moins t'es fixé là maintenant. Enfin, okay. Tu étais peut-être avant, mais en tout cas là maintenant c'est clair, hein. Clair, net, précis, tout ça. Pas de problème quoi. Bon, bah ça nous fait le deuxième sur la soirée, on est bon là. Ouais, mais Jackie nous avait prévenu. Hein. C'est vrai. Bon, bah Delphine, bah écoute, bah désolé du dérangement en tout cas, bah bonne soirée alors. Hein. Merci à vous, bonne soirée. Eh bah salut Delphine, à bientôt, merci, ciao. Merci, bonne soirée. Bye bye. Ouais, bon, bah Jackie. T'as dit, Mickaël, fais pas le canard. Oui, ouais, non, mais je m'en doutais de venir. Bah bon, bah voilà. Bon, bah mais Jackie. J'aurais un message. Mais qu'est-ce qu'il y a, Mickaël? Mickaël, je sais que demain elle va envoyer un message, donc voilà, donc. Bon, bah j'y compte pas trop non plus, ou alors elle va t'insulter, mais bon. Ouais, Jackie. Ouais, sinon, Mickaël, j'ai une toute dernière solution, si tu veux, je te la donne. Parce que franchement, tu me fais de la peine, mon gars. Vas-y, dis. Écoute-moi, je prends 2-3 cousins à moi, on va la chercher, on la non, non, Jackie, alors Jackie, bon, à tout à l'heure pour le show, là, avec ses conseils débiles, celui-là aussi, là. Ouais, bon, mais Mickaël, par contre, moi, je voulais savoir pourquoi elle le vire comme ça. Pourquoi? Qu'est-ce que t'as fait, Mickaël? Bah oui, mais c'est pour l'histoire où il a foutu la merde dans son couple actuel, on l'a déjà dit trois fois. Mais non, c'est pas ça, je suis sûr, c'est pas ça. Et bah, donc, il y a un truc qui nous dit. T'es médium maintenant, c'est bah, mais non, mais de toute façon, on a pas voulu le dire. Il y a forcément un truc qui nous dit pas, qui lui te dira pas, parce que pour lui, c'est pas un truc qui est important. C'est comme celui d'avant, il nous a dit la moitié. Bah oui, mais bon, là, en l'occurrence, elle veut pas dire plus. Non, je vous ai pas dit la moitié. On s'entendait très bien, on voyait, même après le. Quand elle est revenue avec son gars, là, on se revoyait, on se voyait encore. Hein. Le jour que j'ai envoyé le message, c'était fini. Voilà, c'est. Non. Bon, écoute, qu'est-ce que tu veux? Bon, bah écoute, ouais. Ça arrive. Bon, bah écoute, Mickaël, tiens la page, en tout cas, tourne la page surtout. Ouais. Et puis, si tu veux entreprendre le polo show pour changer les idées avec Jackie tout à l'heure, on fera un petit after tout à l'heure. Bon, vous bougez pas, on se met la pub et on revient juste après. Pour les vacances, qu'il fasse soleil, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, on ne vous laisse pas tomber. Tous les soirs de 20h à minuit, c'est Mickaël. Mickaël sur Énergie. Salut, c'est Manu. Attention les amis, soyez prêts. Manu dans le 6-9 est de retour pour une nouvelle saison dès le lundi 29 août.